Bonjour et bienvenue. À présent, un enregistrement que je vais effectuer dans les prochaines minutes en compagnie de Berthold. Alors, il va porter sur le processus de la fusion. Donc, ici, David Lévesque au micro, en compagnie de Berthold. Alors, bonsoir, Berthold. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Excellent. Donc, ce soir, j'aimerais aborder avec toi le processus de la fusion, qui est quand même un élément majeur se rapportant à la conscience supramentale. Mais juste avant, je veux mentionner aux gens qui écoutent cet enregistrement que tu es un YouTuber qui a présentement une chaîne sur laquelle figurent un peu plus d'une soixantaine de vidéos où tu prends la parole, notamment pour parler de conscience supramentale. Oui, entre autres. Et puis, bien, c'est sûr que les gens, une fois qu'ils auront écouté l'enregistrement de ce soir, s'ils veulent en savoir un petit peu plus sur toi, bien, ils pourront aller sur ta chaîne, dont je vais mettre le lien, bien entendu, là, en bas de cet enregistrement. Donc, à présent, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Alors, tout d'abord, la question se pose à savoir, qu'est-ce qu'est la fusion? Ben moi, à mes yeux, la fusion, c'est que l'être humain, disons, est divisé en différents principes. Et au sens là, il y a une multidimensionnalité, mais laissé caché à l'ego. Mais au niveau là de la fusion, il va y avoir là une intégration là du fait que justement l'ego va prendre conscience là de sa multidimensionnalité. Et pourquoi que la multidimensionnalité est cachée à l'ego? C'est pour des questions là, de subjectivité, surtout liées là, à ce qu'on pourrait appeler là, tout ce qui est charrié par la mémoire, surtout la mémoire des peuples, et puis tout ce qui s'est accumulé là, avec le temps, et puis aussi souvent pour protéger l'ego là, de certaines réalités qu'il ne pourrait pas gérer, mais aussi pour des raisons là, du fait que l'être humain est un être grégaire, là, il doit fonctionner en société, alors que, disons là, que ces choses-là, bien, si c'est trop rapidement, là, il y avait une intégration par la conscience de ces choses-là, la société, les sociétés humaines, les civilisations n'auraient pas pu là, se développer comme elles l'ont fait. Donc, autrement dit, le fait que la multidimensionnalité de l'humain soit cachée à l'ego a eu son utilité sur le plan historique. Oui, ben ça fonctionne par phase. Et puis, ce qui peut finir par être intégré par une individualité au niveau des collectifs, là, disons que ça aurait peut-être engendré certaines difficultés. Et puis, il y a quelque chose de progressif là-dedans qui fait que ça devait être comme ça au début, mais progressivement, là, possiblement que un jour, peut-être là, dans beaucoup de temps, là, d'ici beaucoup de temps, ça va devenir peut-être quelque chose de réellement collectif, mais à ce moment-là, ça ne sera plus là, les civilisations comme on les connaît. Oui, parce que sans doute, rendu à ce moment-là, il y aura une masse critique de gens qui auront vécu le processus de la fusion, là. Si je dis que de mon point de vue, le processus de la fusion, c'est tout simplement une énergie que certains peuvent appeler comme étant l'esprit, le double ajusteur de pensée, qui entre en contact avec l'être humain et qui cherche à s'harmoniser avec lui pour créer un nouvel être. Est-ce que tu serais à l'aise avec cette définition? Oui, parce que si on va au-delà de la forme là, de cette définition-là, eh bien, peu importe comment on le parle, si on parle de ça, eh bien, on parle de la même chose. Peu importe là, la forme-là. Oui. Mais c'est ça, le point, c'est que, de mon point de vue, c'est que il y a une énergie de nature impersonnelle qui est au-delà de l'ego, de la subjectivité, qui cherche à entrer en contact avec un être humain sur Terre Et c'est lorsque le contact s'établit entre les deux que le processus de fusion est entamé et qu'une communication télépathique peut avoir cours, là. Oui, ben c'est ce qu'il y a, disons là que c'est les formes là qu'on est habitué là par rapport à ces sujets-là d'entendre, mais avec le temps, j'ai fini là par disons qu'on pourrait amener des nouvelles formes qui feraient que parce que là la télépathie, des choses comme ça, c'est sûr que ça peut paraître là gros là pour des personnes par exemple comme un universitaire là qui serait je ne sais pas qui serait en psychologie ou des sciences comme ça, ben, des sciences entre guillemets, là, parce que c'est pas une science exacte. Ben, les bases, oui, peut-être, mais il reste que, bon, il y a encore il reste encore beaucoup de choses à découvrir, là. C'est pas comme, disons que c'est pas une science empirique, là, comme la physique, mais il reste que des mots comme la télépathie, et ça peut rebuter là peut-être un peu certaines personnes là, parce que ce n'est pas des choses disons qu'il y a encore une part de ça là que le grand public là, disons que ça va être vu comme des choses quasiment là, ça va être classé quasiment avec le paranormal, alors que pourtant quand c'est vécu là, c'est ça revient dans le normal. Oui, exactement. C'est sûr que le mot télépathie, en effet, peut rebuter les hommes et les femmes de science de type matérialiste empirique, parce que la télépathie n'est pas démontrée officiellement à l'époque présente par les sciences reconnues au niveau universitaire et académique, là, qui font consensus, donc les sciences officielles. Néanmoins, de mon point de vue, il est plus utile d'utiliser des termes qui reflètent davantage le vécu plutôt que de chercher à parler en fonction de strictement ce qui est reconnu, parce que sans ça, après tout, je ne prendrais pas la parole au micro pour faire les enregistrements que je fais sur cette chaîne. Ben, disons que pour des gens là, que le terme télépathie rebuterait, on pourrait dire que l'ego étant subjectif à cause de son vécu, ce qu'on pourrait dire là, un conditionnement par le milieu, une programmation liée à la génétique, des choses comme ça, tout d'un coup va par une auto-observation se rendre compte de ces structures-là, qu'ils n'ont pas, et ça n'a pas été choisi sciemment là, par la personne, et le fait de voir ces structures-là Ben, peut excuse-moi, les aider. structures-là, Oui, mais tu fais ça peut aider référence, à. ouais, mais tu fais référence en termes de structure à l'énergie, à l'esprit, au double, c'est quoi? Non, c'est plus pour le ramener dans un langage peut-être moins rebutant. OK. Si ces structures-là sont vues par l'ego, eh bien, la conscience peut-être peut voir au-delà de ça. Et si on peut dire, il va avoir une communication là, par rapport à d'autres parties de soi là, qui. Donc, déjà là, il n'y a pas besoin là, d'employer le terme de télépathie. Oui, mais c'est sûr que le but de l'enregistrement, c'est de t'amener justement à aborder le phénomène dans ton vocabulaire. Et c'est la raison pour laquelle, si tu as des concepts particuliers que tu trouves plus pertinents à présenter pour parler du phénomène de la fusion, bien sûr, t'es le bienvenu pour le faire, là. Ben, c'est surtout là pour dans l'optique là justement d'en parler à des gens là qui n'ont pas abordé ces sujets-là. Ben peut-être là que ça serait mieux là comme que tout de suite tomber dans la télépathie puis l'énergie parce que ces choses-là sont beaucoup associées justement là à ce qu'on pourrait dire là certaines doctrines qui peuvent paraître ésotériques ou si c'est compris là au niveau là de des mots peut-être qui sont plus grand public, ben là ça devient une introduction peut-être plus accessible et par après là les gens s'ils veulent y voir là par rapport à ce qui a été fait comme matériel là les termes télépathie et énergie là vont devenir plus concrets là si on peut dire. Oui, fait que vulgariser d'une manière simple et accessible pour le grand public, à présent, est-ce que tu pourrais me décrire le processus? Ben, si l'individu, au sens là que il est dans un milieu, il a une expérience qui lui est propre, mais avant là d'être confronté à ce qu'on pourrait appeler son vécu, il y a un potentiel qui, bon, que peut-être le vécu, le contexte fera en sorte que ça va avoir beaucoup d'influence là sur le développement de ce qu'on pourrait appeler la personnalité. Donc, disons que si la personnalité ou ben ou l'ego, si on peut dire là, la personne qui se voit en tant que moi se rend compte que peut-être il y a une certaine partie de son potentiel qui a été rebutée par l'environnement. Peut-être là qu'il y a certaines structures liées à sa subjectivité qui peuvent tomber. Et là, il va y avoir là une communication peut-être avec ce potentiel-là qui n'avait pas pu se développer. Et là, ça devient, si on peut dire, une communication, mais finalement, une fois que c'est vécu, ça va prendre une forme là qu'on peut considérer comme de la télépathie. Oui, autrement dit, ça revient au même qu'avec les mots que j'utilisais, mais toi, tu amènes ça dans une dynamique plus que l'individu entre avec un aspect de lui-même. Oui. Oui, mais en réalité, c'est ça, parce que après tout, l'individu qui est confronté à des formes qu'il rebute, donc c'est une forme d'adversité qui l'amène à peut-être à se départir d'orgueil ou d'un ego, de subjectivité ou de réflexion. Oui, ben surtout ce qu'on pourrait considérer comme de la pollution liée à son expérience, puis qui vient créer des voiles, là, pour se protéger justement de certaines réalités, qu'à cause de l'expérience qui va créer des blessures là, dans l'ego, que peut-être il ne voyait pas, mais à un moment donné, quand les chocs sont très forts, eh bien, l'ego va voir là, malgré lui. Et c'est aussi du fait que les gens, on est élevé dans une société où ce qu'on pourrait dire là, une pensée très rationaliste. C'est là où je me dis que peut-être que de commencer par l'aborder là par rapport à ce qu'on pourrait appeler de la psychologie, c'est quand même une bonne chose, mais pour une introduction, mais il reste quand même là que une fois que ces formes-là sont comprises, là, que le phénomène là qu'il y a derrière ce qui est dit est compris, là, ça va devenir un phénomène là que on a peut-être moins le choix là d'employer des termes comme de la télépathie ou bien des formes énergétiques parce que là il y a toutes sortes de choses là des phénomènes que à un moment donné le langage développé par la psychologie est trop restreint pour les décrire. Exactement. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, on est obligé d'ouvrir sur un langage qui a trait plus au paranormal, mais c'est pour des raisons de nécessité puis d'être capable d'exprimer d'une manière adéquate la réalité qu'on veut décrire. Oui. Donc, par rapport au processus de la fusion, lorsque l'être humain il fusionne, selon toi, il fusionne avec quoi? Ce qu'on pourrait appeler là, des contreparties. OK. C'est là qu'on peut parler là, la multidimensionnalité. Donc une partie de lui-même dans une autre dimension. Oui, ou même là, ce que les psychologues appellent là, le subconscient, des choses comme ça, c'est sûr que c'est des formes restreintes, mais il reste qu'au fond, c'est des choses là, qui sont liées à la multidimensionnalité quand même. Oui, ben il y a des formes qui existent qui s'en rapprochent. On pense entre autres à la psychologie jungienne de Carl Gustav Jung, qui parle de la notion des archétypes, dont celui du sage qu'on peut se représenter symboliquement par la forme d'un vieil homme avec une barbe, qui représente la sagesse avec laquelle on peut vouloir fusionner. Ou si on pense entre autres à la psychosynthèse, où on va essayer de fusionner avec différents aspects du moi pour créer une intégration de ces différentes composantes ou sous-personnalités en vue d'en faire justement une synthèse, donc psychosynthèse, donc synthèse du moi à travers de différents aspects. Fait que oui, la psychologie à quelque part rejoint certains éléments et prépare le terrain, mais c'est à travers des formes et ça n'amène pas la dimension plus vibratoire qu'a amené le supramental qui a été véhiculé par Bernard de Montréal pour aborder la question de la fusion, bien entendu. Oui, mais on peut, c'est ça, puis on peut considérer Jung quand même, comme tu dis, qu'il a préparé le terrain, parce que par après, on peut faire des liens comme ce que Jung appelait l'ombre, par exemple. Ça rejoint un peu là, ce que Bernard appelait le double luciférien. Oui, ou le plan astral. Oui, mais malgré que, rendu là, à mes yeux, le plan astral et l'inconscient, ça revient là au même à mes yeux. Oui, c'est quand même très proche, ou sinon, ben, c'est sûr que la pulsion de mort, ça me fait penser aussi au plan astral. Oui, exactement. Comme ce que Freud appelait l'inconscient, là, à mes yeux, c'est réellement l'astral au fond, parce que là où l'être humain n'est pas en conscience, il va y avoir des forces qui vont assumer à sa place. Oui, puis qui vont le charrier de l'intérieur, puis l'amener à avoir une très grande réactivité émotionnelle. Et c'est sûr que l'inconscient est en relation avec la conscience qui nie certains éléments par rapport à elle-même, donc est en déni parce qu'elle n'est pas capable d'assumer le réel. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que c'est des considérations intéressantes qui peuvent préparer le terrain pour parler de conscience supramentale. Mais c'est sûr que pour moi, d'aborder le processus de la fusion, c'est quand même quelque chose de majeur parce que les individus qui vivent ça, d'ailleurs, je peux te poser la question, selon toi, est-ce que quelqu'un qui expérimente le processus de la fusion le choisit ou le vit sans l'avoir choisi au préalable au niveau de l'ego? À ce niveau-là, je pense que le libre arbitre, ce qu'on appelle le libre arbitre, est une illusion, parce que justement, ces structures-là, au départ, sont en dehors là, de l'ego restreint. Donc, le mouvement ne vient pas de l'ego, il vient ce qu'on pourrait appeler là, ce qu'on pourrait appeler le soi, là, ça viendrait du soi et pas du moi. Oui, donc autrement dit, dans la dialectique entre le soi transcendantal et le moi empirique, nous pouvons dire que Ouais. cette dynamique-là est entamée par le soi transcendantal à ce moment-là. Oui, c'est que réellement, là, au niveau de l'ego, le mouvement se fait de l'extérieur. C'est si on prend un langage là, proche de certaines spiritualités, ça vient d'en haut et non d'en bas. Exactement. Donc, c'est sûr qu'une fois que le processus est entamé, où l'individu entre en contact avec un aspect de lui-même qui pouvait jusqu'alors ignorer l'existence et qui fait partie de sa multidimensionnalité, une fois que ce processus est enclenché, la question qui vient, c'est comment composer avec cet aspect de soi-même sans sombrer dans la folie ou perdre les pédales? Oh, c'est là que ça devient délicat parce que si la personne sombre réellement là, dans la folie, qu'elle perd les pédales, ça veut dire que c'était trop et donc jusqu'à un certain point, il va avoir une diffusion là. La folie est une scission. Oui, ça peut être une coupure par rapport à une réalité qui est trop lourde à absorber. Donc, des fois, les gens se réfugient dans un imaginaire parce qu'ils sont pas capables d'assumer le réel, parce qu'il est trop souffrant. Oui, la folie, plus souvent qu'autrement, là, à mes yeux, va protéger l'ego de choses qu'il ne peut plus assumer. Oui, ben ça peut être vécu comme une forme de mécanisme de défense qui consiste à un déni d'impressions et de perceptions qui sont au-delà de la capacité de contenance de l'ego. Oui, et puis ça revient à ce qu'on disait, c'est là que l'ego, pour se protéger, il va se séparer d'une certaine conscience qu'il avait, là, si quelqu'un qui avait démarré un processus de fusion sombre dans la folie, et puis c'est là que les structures là, qu'on pourrait appeler, qui ne font pas partie de la conscience de l'ego, là, vont revenir prendre la place. Oui, dans le sens que la personne va se faire récupérer par des conditionnements qui vont être sécurisants. Oui, mais ça peut aller plus loin que ça, au sens où la personne va sombrer dans un état onirique comme la psychose, là. Oui, justement, C'est sûr que par rapport à ça, puis c'est un aspect que ça peut être intéressant d'aborder, c'est que au niveau de la psychologie, quelqu'un qui se met à entendre des voix qui lui parlent à l'intérieur de lui-même, ben, on va dire, ah, il hallucine, c'est un psychotique, il délire. Oui, ben, au fond, la personne rêve éveillée. Et comme quelqu'un qui rêve mais ne le sait pas, pour lui, ça devient sa réalité, ça devient réel, et il pense que c'est réel, donc il est coupé là, de la réalité, du réel. Oui, dans le sens que la personne sombre dans un état psychotique où elle va être contact, elle va être en contact, entre autres, avec une réalité qui est différente de la réalité physique, mais qu'elle n'est pas capable d'assumer. Oui, exactement. Ça revient à la même chose. À mes yeux, là, c'est la même chose que le rêve, là, un rêve passif, là, inconscient. Exactement. Mais il existe aussi la possibilité qu'il y ait des êtres qui vivent justement ce processus de la fusion, qui entrent en contact avec un autre aspect d'eux-mêmes qui leur parle, mais qui reste quand même cohérent. Oui, c'est là que il y a ce qu'on pourrait appeler là, ce qui a été appelé le double, ou même là, ça va jusqu'à. Il y en a qui ont parlé comme le cosmique serait de l'ordre, là, si on peut dire, donc une cohérence, ce qu'on pourrait appeler des initiateurs du réel, donc des initiateurs cosmiques. Ces individus-là ou la dimension multidimensionnelle qui sont en contact? Non, je parlais là par rapport au niveau d'une communication cohérente OK. Mais les initiateurs du cosmique, ce serait des forces qui entrent en contact avec l'individu? Oui, OK. des intelligences. L'intelligence est une force, donc c'est des forces. Exactement. Donc, par rapport à ces intelligences, de ton point de vue, c'est quoi leur fonction? Eh bien, de mon point de vue, il existe là de l'intelligence, mais qui n'a pas, qui n'est, qui est en dehors de ce qu'on pourrait appeler l'ego, là, ou la conscience égoïque. Et ces intelligences-là sont dans un monde qui est purement fréquentiel, comme des ondes, mais elles sont dans un esprit qu'on pourrait voir là, comme collectif. Et il va y avoir un processus là, en descendant, ça s'individualise, si on peut dire, et ça passe à travers les égos. Mais là, c'est difficile là, de mettre ça d'une façon qui serait compréhensible là, pour un grand public. Mais disons que ce qu'on pourrait appeler là, l'esprit, le cosmique, ce n'est pas égoïque, mais c'est de l'intelligence quand même. Mais quand ça entre en contact avec l'ego, il va y avoir là, ça va prendre une forme qui est très proche, et puis c'est là qu'il va y avoir une transmission d'informations qui peut laisser à penser au début que ces êtres-là ont une individualité. Alors que c'est peut-être là encore, ça fait peut-être partie encore de la des projections de l'ego là qui anthropomorphisent l'intelligence. Mais justement, là, on va aborder un point intéressant, c'est-à-dire que l'individu qui vit un contact conscient avec ses intelligences et qu'il a l'impression que ça lui parle intérieurement, donc que ça lui dit de faire certaines choses, que cette intelligence a une intentionnalité, elle a un agenda, elle a une direction pour l'individu, à ce moment-là, pour toi, qu'est-ce que ça représente? Ben, c'est beaucoup lié à l'ego, là, si on peut dire, comme tout serait reçu selon le contenant. Donc, il y a encore à ce niveau-là une subjectivité quand même, parce que d'être conscient qu'une communication est communiquée en conscience, je le vois pas là de la même façon, là. On peut être conscient qu'une communication, mais pas nécessairement être en conscience là avec ça, parce que quand ces choses-là qui sont fréquentielles arrive à l'ego, là, ça va prendre des formes auxquelles l'ego est habitué. Quelqu'un, là, qui est extrêmement vulgaire, par exemple, dans son langage, dans sa vie de tous les jours, ça va lui parler parfois, là, avec vulgarité parce que ça prend cette forme-là en parvenant jusqu'à lui. Oui, ben je comprends que sans doute ces entités-là vont récupérer des formes que l'ego connaît, ou ça peut être aussi l'ego qui projette des formes qu'il connaît à l'égard de ces entités, dans le sens que quelqu'un, par exemple, au Québec, peut s'imaginer que Dieu lui parle, ou Jésus-Christ, ou la Sainte Vierge, alors que quelqu'un qui est situé, par exemple, en Inde, peut s'imaginer que c'est Brahma, Vishnu ou d'autres divinités hindoues qui vont lui parler dans sa tête, là. Mais là, à ce moment-là, il n'est pas en communication avec le cosmique, il est en communication avec de la mémoire, si on peut dire, et à mes yeux, ce n'est pas le même plan, là. Ce n'est pas du même type. Ben, ça dépend. C'est-à-dire qu'il peut avoir des formes mémorielles qui sont des interférences entre lui et le cosmique, mais la vibration derrière ça peut être de nature cosmique, mais voilée en fonction de formes socio-culturelles issues du contexte de vie de l'ego. Oui, ben à ce niveau-là, c'est sûr, on pourrait dire qu'il y a de la friture sur la ligne, il y a de la pollution qui vient déformer, là. Oui, c'est un petit peu comme dans le domaine de l'ufologie, quelqu'un qui s'imagine qu'il a vu la Sainte Vierge débarquer d'un vaisseau spatial ou danser dans le ciel des lumières en forme de croix, là. Donc, il y a une interprétation, il y a une projection de l'ego, mais si on va au-delà de ça, ça se peut qu'il y ait quand même une réalité de nature énergétique là, qui se cache derrière ça. Ah ben tout est de nature de réalité énergétique derrière exactement là, tout ce qui Oui, tu as existe. raison. En fait, je devrais préciser ma pensée dans le sens que ça se peut que ce soit une forme astrale, mais ça se peut aussi que ce soit une forme mentale qui est derrière ce phénomène. Oui, ben ce qui peut arriver, c'est que quelque chose qui vient du mental, comme tu le disais, va être obligé de passer à travers l'astral. Et là, c'est là que ça devient délicat. Parce que tout d'un coup, là, il y a quelque chose de. C'est différent, mais même là, au début, ça, c'est certain là, que ça va prendre des formes semblables à ça, un peu comme les mystiques, là, qui. Le mysticisme est une forme astralisée du mental. Oui, exactement. Et c'est sûr que à ce niveau-là, pour l'individu qui vit ce processus de la fusion, quand en contact avec des forces, des intelligences particulières, bien, il faut qu'il se dépollue de toute forme de croyances religieuses, culturelles, et il faut à quelque part donc qu'il fasse abstraction de son contexte pour être capable d'accéder au réel là, sans le colorer, là. Oui, exactement. C'est si la personne entretient encore de l'émotivité par projection sur, si on pourrait dire là, un jeu entre lui et des formes là, qui sont liées à sa mémoire et à son émotivité, ben là, à ce moment-là, ça devient de la pollution. Et c'est là que ça va, comme certains ont dit là, ça va se colorer. Oui. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, l'individu qui vit ce contact intérieur doit aborder ses forces en étant capable de réaliser qu'il peut avoir des filtres, des œillères qui colorent l'expérience, donc avoir une certaine distance critique là, par rapport à tout ce qui est ses référents culturels, donc les formes qu'il peut entretenir là, dans son intellect. Oui, parce que sinon, c'est là que ça devient dangereux, puis que la personne, là, si la personne se met à croire, là, à ces formes-là, eh bien, là, on dirait que ça va s'amplifier, là, ça devient un cercle vicieux. Oui. Sinon, est-ce que par rapport à ces intelligences, tu aurais des propositions ou des conseils sur la manière de composer avec ces êtres? C'est là que on peut en parler, mais de conseiller, ça devient. Moi, je trouve ça délicat là, de donner des conseils. Ce qui est le plus important, c'est surtout de ne pas croire là, en des formes, de ne pas s'attacher émotivement à des formes et d'essayer toujours de voir au-delà de ça. Et puis, même si ça peut être compris, là, ce que je dis là, il reste que. C'est très difficile là, parce que l'être humain est psychologique, donc il va interpréter le propos. Donc, conseiller au niveau, c'est-à-dire donner des formes comme des outils par rapport à ce qui est au-delà de la forme, ça devient difficile, c'est délicat. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que si la personne réfléchit intellectualise les propos. À ce moment-là, on lui donne des formes, puis elle reste au niveau psychologique. Par contre, si on peut passer une vibration qui va être en relation avec le rapport ces intelligences-là dans le but d'être capable de l'intégrer adéquatement, ça peut être intéressant aussi. Oui, ben c'est ça au fond. L'important, c'est la vibration qu'il y a dans le propos, mais pas le propos en lui-même. Mais si on donne une forme de conseil à ça, eh bien là, ça vient amplifier là. Les gens vont s'imaginer que il y a des parcours de traçables, qu'il y a comment je pourrais dire ça, quasiment des. C'est difficile là de dire. Ils vont voir ça comme un chemin, et puis, mais c'est intégrer de la vibration, ce n'est pas un cheminement. Non, c'est ça, c'est pas étape par étape nécessairement, c'est pas linéaire. Oui, exactement. C'est essayer de faire rentrer du non linéaire dans du formel, et c'est très difficile de faire ça. Donc, c'est surtout le seul vrai conseil là, que je dis. Le seul conseil vraiment utile, c'est surtout de ne pas s'attacher émotivement à des formes et de ne pas croire, parce que en dehors de ça, comme conseil, je ne vois pas quoi dire. Non, non, je comprends. Et c'est tout à fait judicieux d'agir ainsi. Sinon, par rapport à ces intelligences, pourquoi qu'elles cherchent à entrer en contact avec l'être humain? Par processus d'individualisation, c'est-à-dire que si de l'intelligence existe sur un plan où l'esprit n'est pas encore divisé, il peut y avoir là un processus de division là. Ces forces-là veulent descendre et s'individualiser pour connaître là justement ce qu'on pourrait appeler là la conscience égoïque. Mais il reste que c'est difficile là à expliquer, un peu comme si la conscience égoïque était un début là d'individualisation du mental pur. Oui, dans le sens que à ce moment-là, il y a une identité individuelle qui est générée par l'ego, alors que ces êtres-là sont impersonnels, donc ils n'ont pas développé des particularités qui leur sont propres là, autant que l'être humain, là. Oui, c'est comme si c'était un mouvement lié à de la sympathie là, vibratoire, fréquentielle. Et ce n'est pas de la volonté au sens où nous, on l'entend, c'est tout simplement un mouvement qui va de soi. Et puis c'est ça qui va créer ce qu'on pourrait appeler, là, entre guillemets, l'incarnation. Oui, mais ces forces-là ne cherchent pas nécessairement à établir un contact avec tous les égos qui sont incarnés sur Terre présentement. Non, parce que ça a un rapport avec la sympathie fréquentielle. Donc, il y a des égos qui ne pourraient pas là, accueillir ces choses-là. À ce moment-là, il y a d'autres plans là, qui sont plus liés à du mémoriel. Puis, il va y avoir un jeu de retour entre ces plans-là et le plan matériel jusqu'à ce que, justement, l'ego soit plus individué, si on peut dire. Et une fois là, que c'est rendu à un niveau là, de fréquence que l'ego est plus individué, ces forces-là vont commencer à descendre. OK, donc autrement dit, un petit peu comme lorsqu'on va cueillir des pommes, lorsque le fruit est rouge, lorsque le fruit est mûr, bien la pomme va nécessairement tomber, donc elle va descendre sur le sol et c'est un mouvement là, naturel, là, comme la loi de la gravité qui s'applique, qui fait que la pomme va tomber sur le sol. Oui, ben c'est exactement ça, c'est des lois, parce que il y a un plan là qu'on pourrait dire là macrocosmique, qui lui c'est le systémique, et ça c'est des lois, et tous les plans sont soumis à des lois. Exactement. Et à ce moment-là, ce qui veut dire que ces entités-là vont entrer en contact avec des êtres humains lorsqu'elles vont juger que l'être humain est prêt à absorber leur énergie, leur vibration. Ben, quand l'être humain a la capacité, là, justement, parce que de dire elles vont juger que ça devient délicat, parce que c'est d'anthropomorphiser encore le plan mental. En fait, je ne disais pas dans le sens qu'elles vont porter un jugement subjectif, mais elles peuvent constater objectivement, par exemple, qu'un être humain vibre. à une certaine fréquence. Ça peut être sur une échelle de 100 que si l'être humain est rendu à 80%, il est peut-être rendu à un stade suffisamment stabilisé pour être en mesure d'intégrer ça sans sombrer dans la folie, là. Ben, à mes yeux, l'intelligence sur le plan mental n'a même pas besoin de jugement objectif. Puis c'est là que ça devient subtil, là, la vision que j'en ai, parce que le jugement objectif, justement, va venir, c'est quelque chose de très individué, donc ça va venir au monde, justement, quand ces énergies-là du plan mental rencontrent les égos qui sont capables de l'accueillir. Et puis c'est là que ce qu'on pourrait appeler le jugement objectif, au fond, viendrait au monde avec la fusion. Oui. Puis ce jugement-là objectif, est-ce que il est régi par les entités qui veulent prendre contact avec l'être humain ou d'autres entités qui sont au-delà d'eux et qui ont un recul à la fois sur les entités qui veulent fusionner avec l'être humain et également par rapport à l'être humain? À mes yeux, il y a juste au niveau du plan mental, là, à mes yeux, il n'y a rien d'humain là-dedans, au sens que je ne peux pas dire qu'elles vont juger que ou elles vont décider de gérer en fonction d'eux, parce qu'au fond, c'est lié à des lois et elles n'ont pas besoin de. C'est là que ça devient extrêmement subtil. J'ai fini par, au niveau là, de mon expérience à moi, à me rendre compte que c'était très anthropomorphisé le plan mental et qu'au fond, ce n'est pas. Nous humanisons des choses qui ne le sont pas quand nous disons que ces intelligences-là vont juger que ou qu'elles vont décider de faire une gestion de. Parce qu'au fond, tout ce qui est lié là, à ce qu'on pourrait appeler des régences, à la base, c'est lié à des lois, là, donc au systémique qui englobe tout. Donc. Ça devient délicat, là, puis très subtil. Nous projetons l'ego sur le plan mental. Oui, je comprends le fait qu'on peut avoir tendance à anthropomorphiser ces êtres en leur donnant des figures humaines, mais en même temps, il faut être capable aussi d'appréhender cette réalité-là. Et de mon point de vue, il vaut mieux tenter d'appréhender cette réalité-là d'une manière imparfaite que de ne pas le faire du tout et de se fermer à cette réalité. Oh, c'est loin de la fermer. Mais à mes yeux, ils n'ont pas de volonté, ils n'ont pas de jugement, ils n'ont pas de. C'est lié à des lois là, de descente de l'intelligence qui va justement commencer à s'individualiser. Et c'est au moment là, où ce qui est un contact avec les égos en fusion que là, tout d'un coup, il y a ce qu'on pourrait appeler de la volonté qui se manifeste. Mais à ce niveau-là, ça devient. C'est sur tous les plans, ça apparaît sur les plans, mais d'une façon, là, comment je pourrais dire ça? Il y a une synchronicité, là, qui s'établit, mais sans ce qu'on pourrait appeler la conscience égoïque, sans la conscience égoïque dans l'univers, ce qu'on appelle, là, la volonté n'existerait même pas. Et puis, parce que c'est un peu, là, ça fait partie un peu de. Ces aspects très subtils-là qui sont, une fois qu'on entre là-dedans, ça devient là flou. Je comprends là qu'est-ce que tu veux dire que c'est mieux de l'appréhender, mais rendu là à un certain point, d'en parler clairement sans créer justement des formes qui vont créer des projections, qui vont créer un écran pour les projections, ça devient difficile, ça devient délicat. Mais dès qu'il y a un contact, là, que l'ego en fusion commence à recevoir, il grandit là, en conscience parce qu'il y a de l'intelligence qui descend. Là, oui, là, il va avoir une communication au sens où on va sentir des volontés, nous allons sentir qu'il y a c'est régi, et puis, mais il reste que ça n'existe pas là, en dehors de la conscience égoïque, ces choses-là, de l'intelligence au niveau de l'esprit, là, du mental pur, c'est quelque chose de tellement subtil, c'est quelque chose de tellement. C'est en arrivant là, vers ce qu'on pourrait dire là, dans la perception que ça prend des formes comme ça. Mais oui, il va avoir des volontés, ou une impression de volonté, mais à ce niveau-là, c'est l'ego là qui entre en contact avec ses contreparties à lui. Et puis là, il va avoir une impression là qu'il y a des intelligences par rapport au plan mental, tandis que d'autres plans plus bas là qui sont liés à la mémoire, là, à ce moment-là, on voit clairement qu'il y a des choses qui ressemblent à de la volonté, qui ressemblent à des intentions, mais ces choses-là, c'est très différent. C'est difficile là à l'expliquer. Il faut vraiment, disons que c'est lié là à l'expérience de chacun, l'interprétation de chacun. Mais rendu à ce niveau-là, j'ai beaucoup de difficultés à accorder au plan mental quoi que ce soit qui est lié là à ce qu'on pourrait appeler la conscience égoïque. Oui, je comprends un petit peu où est-ce que tu veux en venir, parce que c'est sûr que ça pourrait être extrêmement facile d'anthropomorphiser. J'ai la difficulté à prononcer ce mot-là, comme tu peux le voir, mais de colorer et de donner des éléments humains au plan mental, puis de voir le plan mental comme étant des parents ou un petit peu comme Dieu le Père, hein, dans la tradition chrétienne, d'une manière symbolique, pendant des siècles, on s'est représenté Dieu comme étant le Père, celui qui s'occupe des enfants et les êtres humains comme étant des enfants, qui vivaient une forme de paternage divin par Dieu. Mais c'est sûr que ces formes qui sont proches de la réalité humaine, donc quand on parle de parents ou de pères, ça peut être sécurisant pour l'ego de les aborder, mais en même temps, ben, ça traduit d'une manière imparfaite cette réalité. Oui, à mes yeux, ça fait partie de la subjectivité humaine. Et puis, on est rendu à un point où ce qu'on pourrait appeler là, le plan mental en lui-même est encore, ça c'est mon humble opinion, là, est encore extrêmement voilé. Oui, parce que les contacts qu'on peut vivre antérieurement avec ces entités, des fois c'est clair, des fois c'est pas clair. La qualité de réception d'informations qui provient de ces plans peut fluctuer dans le temps. Oui, et puis c'est certain là que il va avoir là au début la communication, c'est comme si on parlait avec quelqu'un d'autre carrément. Et puis on se rend compte aussi, il y a une impression qu'il y a différentes individualités sur ce plan-là, parce que ça va changer. Même des fois, ça m'est arrivé là de poser une question, de me faire répondre oui et non exactement en même temps, mais comme à deux fréquences différentes. Puis pourtant, ça avait l'air de venir du même endroit. Et là, je demandais pourquoi là que je reçois deux réponses complètement opposées. Et puis ça répondait en même temps des deux côtés, c'est de la pollution. Puis c'est là qu'il y a des. On dirait qu'il y a quelque chose qui fait que il va falloir aller là, justement, au-delà là, de ce qu'on pourrait appeler le dialogue pour recevoir carrément l'information sans qu'il y ait besoin de dialogue. Oui, je comprends ce que tu veux dire, puis c'est intéressant que tu abordes ce phénomène, parce que c'est sûr qu'on peut être confronté à des voix discordantes. C'est sûr que d'un côté, le phénomène que tu mentionnes, où ce qu'on a deux réponses contradictoires, ça peut être vécu entre une réponse qui provient du plan astral, où ce qu'on sent que la vibration est plus basse, puis il y en a une qui est plus haute. Mais comme tu le mentionnes aussi, on peut sentir que dans certains cas, c'est un oui puis un non. Puis la vibration est quand même assez haute. Puis à ce moment-là, j'ai le goût de te dire, il faudrait qu'on parle au superviseur de toutes ces entités-là pour avoir quelqu'un en autorité qui pourrait trancher, là. Ben, c'est là qu'on va vivre la discordance parce qu'au fond, l'autorité qui doit trancher, ça doit être ce qu'on pourrait appeler l'identité naissante. Mais c'est-à-dire nous-mêmes. C'est ça. Mais en même temps, par rapport à ça, ce qui est délicat, c'est est-ce qu'on a présentement la capacité et la maturité psychique de composer avec ses perceptions, ou il faut, à quelque part, être, je dirais pas sous tutelle, parce que je comprends que à un moment donné, il faut arrêter d'être infantilisé, mais comment dire? J'ai la difficulté à formuler ce que je veux dire. Ben, si on pourrait dire que l'être humain, ça, tout ce qu'il y a d'immaturité, c'est lié justement à du mémoriel, puis à de la peur, puis à tout ce qui est lié à ce qu'on pourrait dire là, son animalité, l'âme. Et puis peut-être là que s'il y a un déconditionnement par rapport à ça, s'il y a une vision là, de ces structures-là, ben là, l'être humain à ce moment-là, l'individu, il prend de la maturité. Oui, c'est sûr qu'en se déconditionnant, notamment de certains concepts à caractère social, religieux, donc issus de son contexte historique, en s'individualisant, il va prendre de la maturité. Sauf qu'il n'en demeure pas moins que de traiter avec une réalité sans l'anthropomorphiser, sans la colorer subjectivement, alors qu'il est de nature subjective, l'ego, c'est un tour de force, là. Oui, ben c'est là, là que ça devient, on pourrait dire là, c'est plus que du sport là. Puis c'est quelque chose qui, c'est vraiment là, je pense que c'est le terme parfait, c'est de dire que c'est un tour de force parce que si il y a une communication avec le plan mental au point où ce que jusqu'à un certain point il y a une dépersonnalisation, par après quand il y a un retour là dans la personnalité. Là, la personnalité est obligée de gérer de l'information qui vient pas d'elle et qui est même pas qui est tellement en dehors de sa nature là qu'on pourrait appeler l'âme, que c'est là que ça devient un tour de force parce que c'est du matériel, c'est un peu comme si on avait affaire à c'est un peu comme quelqu'un qui aurait un ordinateur des années 80, puis qui essaierait de faire rentrer dedans un programme là, de notre époque. Puis c'est là que ça devient là, l'impossible là, se produit, parce qu'il reste que c'est l'information est quand même utile, mais de toute façon, la seule chose là, que je vois là, qui peut faire qu'il y ait une progression à ce niveau-là, c'est justement d'intégrer tout le temps de la fréquence et de la fréquence. Et puis, à un moment donné, l'ego commence à avoir moins de doutes là, à certains niveaux, puis il arrête là, un peu de. Parce que si on se met dans l'idée que nous n'avons pas la maturité, et puis ça, bon, c'est de la mémoire, là, c'est quasiment du conditionnement autogène, là. Oui, je comprends ce que tu veux dire, c'est que ça nous garde dans une espèce d'état d'impuissance, un état d'empathie par rapport à ce contact-là. Oui, ben c'est très rassurant. Mais en même temps, ben c'est sûr que le danger pour l'ego qui s'est pas totalement dépollué de l'astral ou de son conditionnement socio-culturel, c'est de colorer ça. Fait qu'à quelque part, il faut que l'ego soit quand même humble parce que quelque part, sa perception peut être colorée par des référents culturels, donc des formes sociales, mais en même temps, il ne faut pas qu'il soit trop pour pas s'humilier. Ben ça, c'est par rapport là, c'est par rapport au niveau peut-être social là, de pas s'humilier, parce qu'au niveau de l'expérience individuelle, des confrontations avec les plans, ça n'a plus. Moi, j'ai jamais eu peur de m'humilier par rapport à des choses qui regardent personne d'autre que moi là. Puis les expériences, si une expérience, bon. C'est pas quelque chose qu'on crie sur les toits, ces choses-là. Et puis de toute façon, rendu au niveau du plan mental, quand on comprend que, ben, on comprend même là, c'est un mot qui est pas adéquat, qu'est-ce que c'est, puis que on met l'ego, justement, il y a des structures qu'il faut laisser derrière soi un peu, là, comme s'il fallait se départir de certaines choses, rendu dans certains états à haute fréquence. Le mot humilité n'a même plus de sens parce que de toute façon, ce n'est plus là, on n'est pas dans, c'est pas comme être dans une soirée puis discuter avec des gens, c'est un état d'esprit. Oui, je comprends, parce que quelque part, même le mot humilité, c'est une forme personnelle dans un contexte humain, alors que dans un contexte avec des êtres de nature énergétique, ça s'applique pas. Non, pas du tout. Et puis, l'humilité en tant que forme, c'est beaucoup lié à ce qu'on pourrait appeler, bon, la morale et puis les spiritualités parlent énormément d'humilité, oui, par rapport là, à l'expérience entre égaux, Oui, l'humilité est importante, mais pour ce qui est du contact là, de l'ego en fusion avec le plan mental, l'humilité, c'est quasiment un boulet. Oui, je comprends. Donc, c'est sûr qu'il faut se dépolluer de certaines formes anciennes qui pourraient nuire à la fluidité du rapport avec des êtres impersonnels. Oui, ben là, c'est sûr que d'essayer d'entrer là-dedans avec de l'humilité, c'est pas. L'humilité, ça fait partie, c'est des concepts qui font partie de l'âme. Et puis, c'est un peu comme. Bon, je pense que tu comprends ce que je veux dire, mais c'est difficile là, de le verbaliser. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que, en fait, ce que j'avais en tête, si je le reformule puis je le recadre, il faut avoir une certaine ouverture par rapport à ces êtres pour pas avoir un orgueil qui fait à quelque part qu'on chercherait à se sentir supérieur à eux autres dans le sens que on détient la vérité puis que à quelque part on est au-dessus de tout là. Ben, rendu là, c'est des le concept de vérité n'a plus de sens non plus. C'est là que c'est pour ça que pour des une introduction à ces choses-là, bon, c'est plus par rapport là à comprendre là, certains processus là qu'on pourrait dire liés à la nature sociale de l'être humain, et puis mais rendu par rapport là au contact avec le plan mental puis avec ce qu'on pourrait appeler là l'esprit. Ben, ces concepts-là ne tiennent plus, mais c'est rendu loin. Et puis, de toute façon, là, quand je vis une expérience par rapport à ça, je ne suis plus moi, là. Je suis. C'est très difficile à expliquer, là. Je deviens autre chose. Puis, par après, c'est au niveau que quand je réintègre, là, si on peut dire, ce qu'on pourrait appeler la personnalité, qui, elle, est soumise à son expérience, à son vécu, c'est là que l'humilité devient utile, qu'elle redevient utile. Oui, dans le sens de ne pas réfléchir son expérience une fois après. Oui, ben, c'est surtout au niveau, là, du respect de l'expérience des autres égaux. Mais en contact avec des structures là, comme le plan mental, l'humilité, je la vois comme inutile. Et puis, tout ce qui est ces concepts-là disparaissent. Puis, on tombe dans un état que s'il y a simplement là, une transmission d'informations, ça, c'est s'il n'y a plus besoin là, d'un dialogue avec quelque chose qui ressemble à un autre ego. Mais Donc, même là, oui. j'essaie de ne plus. Donc, autrement dit, de ton point de vue, c'est que l'histoire du dialogue, par exemple, avec le double ou l'ajusteur de pensée, c'est lié à une interprétation anthropomorphisée du contact avec ces intelligences. Mais en même temps, si les intelligences sont extérieures à nous, puis il y a une forme de médiation psychique qui s'opère entre les deux, de mon point de vue, il y a quand même un rapport entre deux instances. Oui, mais ça passe à travers le monde de la forme qui est plus bas que le monde là des fréquences pures. Donc, il y a comme c'est comme si on parlait à quelqu'un à travers un rideau. Mais derrière le rideau, il y a rien. Il y a juste de l'intelligence, mais le rideau donne l'impression que il y a des formes. Mais c'est comme si on reçoit une fréquence qui veut dire quelque chose, c'est en parvenant à nous là, que ça va se densifier et devenir une forme. Et comme à ce niveau-là, le temps et l'espace sont extrêmement différents, il y a possibilité d'avoir un dialogue, même des fois de recevoir des réponses avant que la question soit formulée. Là. Juste au moment où on allait formuler une question, on reçoit déjà la réponse. Oui, c'est à ces moments-là qu'on peut réaliser que quelque part, la question puis la réponse vient d'eux autres. Oui, mais c'est la question puis la réponse au niveau là d'une question puis d'une réponse, ben ça fait partie du rideau. Puis de l'autre côté, il y a juste des fréquences. Oui, donc autrement dit, nous autres, on interprète ça subjectivement comme étant une question, une réponse, mais en réalité, eux autres font juste envoyer un rayon d'énergie qui contient les deux, là. Oui, ben c'est ça, c'est un peu comme. C'est là que ça devient subtil puis difficile à. Parce que de l'autre côté du rideau, au fond, là, c'est ça, là, il y a juste de l'intelligence, puis c'est l'idée, là, de tout ce qui est conceptuel, ça, c'est vraiment, ça prend forme au contact avec les égaux. Puis c'est là aussi que on tombe dans des aspects qui font que c'est tellement subtil que quelqu'un qui est au début là, de ces processus-là, ça peut quasiment lui nuire là, parce que c'est un peu comme parler. On a l'impression qu'on ne peut pas se fier à rien, mais d'un autre côté, de toute façon, on ne peut pas se fier à rien. Bon, ben ça revient au même, fait que ayons l'audace d'aller jusqu'au bout, parce que c'est sûr que si y a des gens qui sont intéressés justement à aller plus loin dans l'intégration du processus de la fusion, ça devient intéressant à ce moment-là d'avoir l'audace d'aller de l'autre côté du voile, surtout que présentement les gens de science, que ce soit les psychologues, les religieux ou les gens dans le domaine de la philosophie, n'ont pas nécessairement cette audace qui consiste à aller au-delà de la forme pour aller à l'essence des choses dans certains cas, là. Donc, je pense que ça peut être intéressant de poursuivre dans cette lignée pour être capable de transiger avec cette réalité en ayant un certain état dans lequel on va être capable de comprendre là, qu'est-ce qui se passe, là. Oui, puis je dirais là, par rapport à ceux qui sont dans des philosophies ou qui sont dans des doctrines religieuses, et ils sont encore loin là, de ces réalités-là, au point où, au fond, les physiciens quantiques semblent beaucoup plus proches de ces réalités-là que toutes les vieilles formes philosophiques ou religieuses, là. Oui, dans l'optique qui ont une conception multidimensionnelle de la réalité, qui est au-delà d'une compréhension mécaniste de la physique, de la science. L'être humain va finir par découvrir que, au fond, dans l'univers, il n'y a que des fréquences, il n'y a que des ondes, et que tout le reste, là, c'est en dehors de l'ultime réalité, là, c'est ce qu'on appelle le vibratoire, et tout le reste, là, c'est ce qu'on pourrait appeler, là, des couches, là, qui viennent se densifier par rapport à ça. Mais la source de toute chose, il risque que c'est ce qu'il y a derrière les rideaux, là, comme je disais. Puis à ce niveau-là, il y a juste là. Puis même là, le terme de vibration et de fréquence, possiblement là, qu'avec le temps, ça va devenir limité comme langage. Oui, et c'est la raison pour laquelle je te pose la question, à savoir quel terme utiliserais-tu à la place pour les remplacer? Oh, je le sais pas du tout. Je sais Ben, c'est ça le intuitivement. problème, c'est parce que d'un côté, j'ai l'impression que tu vas critiquer ces concepts-là où le plan astral, le plan mental, le Non, concept d'entité. je les critique pas, c'est que si je regarde comment les choses fonctionnent, les termes finissent par être désuets là, dans une optique évolutionnaire. Donc, je sais que les termes vont devenir désuets, mais je ne suis pas dans le futur pour voir quelles formes là, vont les remplacer. Oui, mais c'est parce que c'est bien de critiquer, puis je suis d'accord avec toi que c'est des formes transitoires, mais si tu n'as pas nécessairement d'autres formes plus précises ou adéquates pour traduire cette réalité, de mon côté, je juge que c'est plus pertinent d'aborder cette réalité avec ses formes imparfaites que de ne pas l'aborder du tout. Ah, oh ben moi, comment je pourrais dire ça? Je le vois pas nécessairement comme une critique, c'est simplement que je le dis là comme ça me vient là au niveau de ma perception. Puis c'est surtout que ça reste des formes, et puis ça devient difficile quand on arrive à un certain niveau d'en parler, de rester là avec des formes comme ça, parce que là, si on se met comme si par rapport là, à des termes comme bon, ben là, il y a l'astral qui est mémoriel, le monde sublunaire avec les intelligences là, qui sont liées à la régence luciférienne, puis à l'autorité satanique sur les plans de la mort qui est liée. Ben là, on tombe, ça devient, ça à mes yeux, là, c'est des doctrines, là, c'est du dogmatique, puis j'ai un petit peu de misère avec ça. Oui, mais je suis d'accord avec toi dans le sens qu'il ne faut pas tomber dans des formes dogmatiques qui vont nous emprisonner. C'est pour la raison pour laquelle je demeure ouvert à des suggestions de formes qui sont plus adéquates pour décrire cette réalité, puis dépouiller aussi de formes de religiosité, parce que moi, je n'utilise pas nécessairement le terme satanique ou luciférien dans mes enregistrements, parce que je trouve que ce sont des formes qui sont trop colorées là, de religiosité chrétienne, là. Ben, c'est sûr, ça devient du matériel qui risque d'être interprété par rapport là, à travers ces formes-là. C'est simplement que je le parle, que c'est moi qui le parle. Donc, c'est là, on parle tout de la même chose, mais c'est pas la même personne qui en parle. Donc, c'est sûr que j'ai mon propre vocabulaire là, qui avec le temps là, commence à. Puis même, il change avec le temps, mais. Il reste que c'est comme si on pourrait parler de l'involution, par exemple, par rapport à l'évolution. À mes yeux, il y a une polarité là parce que l'involution fait partie du processus d'évolution. Une fois qu'on le regarde là avec une vision d'ensemble, c'est sûr que ça vient briser peut-être un aspect doctrinal là, qui a, puis que jusqu'à un certain point, ça peut ressembler à une critique, mais ça n'en est pas une. C'est simplement la vision que j'en ai. Pour qu'il y ait une évolution, il faut qu'il y ait une gestion qui fait qu'il y a une involution, qui fait que les choses ne vont pas trop vite, parce que si ça irait trop vite, certaines structures seraient détruites. Mais à mes yeux, l'involution fait partie du processus d'évolution. Oui, dans le sens que c'est sûr que si l'énergie veut monter puis évoluer, c'est parce que quelque part, il a fallu qu'elle descende, donc qu'elle accomplisse un mouvement contraire, là. Oui, ben, c'est plus au sens que. Si on se rend là tout de suite, si ce n'est pas progressif, il y a certaines structures qui ne pourront pas s'affiner, et puis il y aurait une destruction là de certaines choses, comme si l'âme est détruite tout de suite et que l'ego se manifeste immédiatement, pas l'ego, mais l'esprit se manifeste immédiatement, ben là l'ego n'a pas eu le temps de s'individuer, donc les forces involutives qui les protègent là du réel jusqu'à un certain point. Comme c'est une gestion qui est liée à une progression, d'aller progressivement, il y a des raisons. Donc, même ce qu'on qualifiait anciennement de luciférien et de satanique fait partie quand même d'un tout, là, mais c'est lié à ce que je dirais, là, une vision, là, globale, là, de voir ça dans son ensemble. Oui, dans le sens qu'il y a des forces qui favorisent une densification de l'énergie, alors qu'il y a d'autres forces qui visent plutôt la spiritualisation, puis il y a aussi d'autres forces qui œuvrent au contraire pour déspiritualiser l'individu pour qu'il ait accès, entre guillemets, au plan mental. Oui, ben c'est. Il y a des gens que ils sont rendus, ils s'apprennent spiritualisation pour gérer justement ce qui n'est pas rendu à ce qui vient après. Donc, jusqu'à un certain point, la spiritualisation fait partie, là, si on regarde ces processus-là d'une façon globale, fait partie du reste quand même. Il y a des gens qui ont besoin de la spiritualité, ils ne pourraient pas fonctionner sans. Donc, quand il est question, bon, des forces anti-hommes, des choses comme ça, là, à mes yeux, ça devient de la polarité. Oui, tout à fait. C'est sûr que quelque part, il faut aller au-delà de tout ça. Mais pour en revenir au processus de la fusion, moi, le questionnement que j'ai, entre autres, par rapport à ça, c'est comment travailler avec ce contact, avec ces forces, dans le quotidien, dans le sens que on en parle depuis tantôt au niveau plus descriptif, mais dans le concret, si par exemple, je te donne un exemple. Samedi intérieurement, un matin, bon, faut peut-être t'entraîner au gym. Donc, il y a une impulsion qui va dans ce sens-là. Je dis samedi, mais en réalité, il n'y a pas personne qui me parle dans ma tête, là, comme un individu avec un micro puis un casque avec une grosse voix, mais c'est plus une impulsion intérieure qui vise à m'amener à m'entraîner, donc une direction. Si une direction, je prends pour acquis qu'il y a une forme d'intelligence derrière ça. Donc, comment, face à des phénomènes comme ça, composer puis de traiter avec ces contacts intérieurs ou réception d'informations. Je ne sais pas comment toi tu le verbaliserais là. Ben là, ce qu'on pourrait dire, ce qui est intelligent, puis ce qui est logique, puis ce qui est utile, c'est là, c'est pour travailler, bon, par rapport à ces choses-là, c'est juste d'avoir le discernement, de se dire, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est intelligent, puis si c'est logique puis intelligent d'aller t'entraîner, ben là, il y a même plus de, ça devient un mouvement, là. Pas besoin de. Moi, je vois, j'ai pas l'impression de travailler avec ces choses-là. J'ai l'impression que ça se travaille, c'est ces choses-là qui me travaillent, puis que j'ai juste là à contre-vérifier là comme une observation là active de ce qui se passe, dans ma perception. Puis j'ai juste à, si on pourrait dire là, à séparer ce qui a de l'allure puis ce qui n'a pas par rapport à mon contexte particulier. Puis si ça a de l'allure, ça a de l'allure, c'est tout. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que si ça, entre guillemets, si ça me dit intérieurement d'aller m'entraîner, puis ça fait quelques jours que je me suis pas entraîné, puis là j'ai passé beaucoup d'heures devant l'ordinateur, ça fait comme sens d'y aller. Tu sais, ça fait comme OK, ça a du bon sens. Mais le point, c'est que si je serais dans une perspective plus spirituelle, je pourrais dire, ah, c'est mon ange qui me veut du bien, puis il veut que je m'entraîne. En anthropomorphisant la forme ou la colorant de religiosité, mais au niveau supramental, est-ce que c'est possible d'envisager qu'une entité impersonnelle, une intelligence, aurait à quelque part un intérêt à ce que je m'entraîne physiquement? Ben oui, parce que c'est une question de mouvement. Ce qui veut descendre va s'arranger pour que le réceptacle soit de plus en plus proche d'une capacité de recevoir. Et comme il faut être quand même avoir une certaine paix, une certaine stabilité, c'est sûr que ce mouvement-là va faire en sorte que la personne va développer du discernement. Et puis quand elle reçoit là, de l'information sous des formes qui disent de s'alimenter comme il faut, d'avoir une santé générale qui a du bon sens et tout, oui, là, on peut dire que ça fait partie du mouvement de ce qui descend. Oui, dans le sens qu'eux autres, ça sert leur agenda, que le réceptacle soit en bonne forme physique pour être capable d'intégrer cette énergie-là, là, sans péter les plombs, là. Moi, ouais, ben, comme tu parlais tantôt là, de la pomme qui tombe, là, Oui. je pense pas que la pomme ait l'agenda de tomber, là. Non, Ben, c'est ça se fait naturellement. oui, moi, je le vois vraiment comme un mouvement de l'intelligence qui s'amplifie, qui descend. Puis, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai eu un problème avec des concepts comme leur agenda, eux autres. C'est les agendas mémoriels, puis le plan de la conscience égoïque qui a des agendas. Le reste, il est régi par des lois qui n'ont rien à voir avec ces concepts-là. Dans le sens que c'est des lois de nature objective, comme par exemple à 0 degré Celsius, l'eau va geler, ou à 100 degrés Celsius, ça va bouillir. C'est-tu des lois qui, dans le fond, qui s'appliquent selon l'état de certains éléments automatiquement, là? Oui, ben c'est comme si on considère là, ce qui englobe tout, le macrocosmique, ben c'est du systémique, donc c'est juste des lois, c'est juste de l'intelligence. Puis la volonté, là, c'est quelque chose qui a rapport là, à la conscience égoïque, puis à des plans mémoriels, tandis que le reste, ben c'est simplement ce qui est intelligent, c'est intelligent, puis ça agit intelligemment, donc ça suit des lois. Mais le point, c'est d'essayer de comprendre justement ces lois-là, dans le sens que si je suis confronté à un phénomène, c'est-à-dire que ça me dit intérieurement, j'ai l'impulsion d'aller m'entraîner, je veux, en tant qu'ego, c'est sûr que tu peux me dire que j'ai de la curiosité, mais quand même, j'aimerais ça, savoir pourquoi que, à quelque part, eux autres décident qu'à ce moment-ci, ils me mettent en vibration pour que je m'entraîne, plutôt qu'à un autre moment. Ben parce que ça de comment je il parce que c'est le temps, c'est difficile à expliquer. On rendu à ce niveau-là, le temps et l'espace, c'est pas la même chose. Donc on dirait que ces choses-là, c'est prédéfini, il y a plus de c'est plus linéaire. Donc il y a même des gens que on dirait que c'est là que ça devient difficile, qu'à mes yeux, c'est coloré là, des plans qui sont pas humains. c'est ça. Puis là, même là, la curiosité de pourquoi ça décide ça comme ça. Et puis c'est là que, à mes yeux, à un moment donné, je tombe là-dedans, je perds le contact avec ce que j'observe là, d'une certaine façon, à ces niveaux-là. Puis ça devient difficile. Je me pose plus la question de le pourquoi, puis comprendre. J'ai l'impression que c'était devenu là, retardataire par rapport là, à ces niveaux-là là, de ce qui se passe. La seule affaire, c'est d'observer ce qui se passe, puis on voit pourquoi c'est comme ça, mais d'une façon qui n'est pas liée là, à comprendre, puis c'est tout simplement que c'est comme ça. Si la personne là, elle a un espace là, qui est réceptif, ben là, tout de suite, ça va enclencher un mouvement qui fait que ça descend. Puis, mais on va avoir l'impression que c'est comme s'il y avait une volonté, mais au fond, c'est juste un mouvement là, qui se fait de lui-même. Et puis, je me pose plus là, des questions comme ça. Vraiment pas. J'ai l'impression que quand le contenant, là, il est prêt pour recevoir quelque chose, j'ai tout de suite un mouvement qui fait que ça descend. Puis en descendant aussi, le contenant va devenir prêt. Puis en même temps, c'est comme si ça partait de partout en même temps. C'est comme si c'était lié à une simultanéité, là. C'est synchronisé. Mais il reste que ça vient d'en haut par rapport au sens que l'intelligence, elle vient pas de l'ego, là, mais c'est là qu'il y a un mouvement qui est de ce qui vient d'en haut, si on peut dire. Oui, par contre, je formule le questionnement parce que je veux pas être nécessairement un petit chien de poche qu'on lui dit quoi faire, tu sais. On va lui dire debout, Ah ben couché, il faut monte la pas, patte. Ben, c'est mais ça, mais c'est parce que s'il faut pas, il faut être capable d'essayer de questionner cette intelligence-là pour savoir pourquoi qu'il veut nous faire bouger dans cette direction-là, tu sais, pour pas être juste un pion qui se fait dire dans sa tête, va t'entraîner, puis toi, tu vas t'entraîner. Ben moi, personnellement, ça arrive, je vais entrer dans des phases que tout d'un coup, je dors juste 4 heures par nuit. Puis, c'est pas parce que quelque chose me dit d'agir comme ça tout d'un coup, c'est quelque chose qui se fait tout seul et j'ai pas l'impression que c'est quelque chose là qui m'est imposé. C'est tout simplement que je suis dans une phase que par rapport à ce que j'ai à faire, c'est ça qui me convient le mieux. C'est comme par rapport à comment je dois me nourrir. J'ai pas l'impression de recevoir d'ordre de comment me nourrir. C'est que tout simplement, je vais avoir envie de manger telle chose. Je vais observer, puis là, essayer par mon discernement de voir si ça a de l'allure. Puis si ça a de l'allure, ben je laisse le mouvement s'activer tout seul. Mais j'ai pas l'impression du tout de recevoir d'ordre, au contraire. Et puis si ça prend la forme comme des ordres, ben là, je vais regarder là, ou des propositions, des suggestions, je vais regarder si ça a de l'allure ou pas au niveau de mon discernement, ce qu'on pourrait dire là, de mon ego. Donc, il y a une sorte, c'est sûr que le libre arbitre, il y a une certaine illusion là-dedans, mais il reste que on reste pareil, on a quand même un peu accès à à certains choix, là, j'ai pas l'impression de me faire imposer des choix par ces plans-là. Puis, même si ça prend des formes, là, tout d'un coup, comme par exemple le double, qu'on pourrait voir comme l'intermédiaire, là, entre la conscience égoïque puis le plan mental, là, c'est très différent les formes que ça va prendre parce que c'est comme un intermédiaire. Là, il va y avoir, là, ça peut devenir autoritaire, puis ça peut dire, tu vas faire ça ou ça, et c'est là le danger de devenir un peu comme un petit chien. Mais une fois, là, que, moi, dès que ça prend une forme autoritaire, et puis que ça me dit, bon, ben là, faut faire ça ou ça, je le regarde, j'en tiens compte, mais je vais en prendre compte, mais je vais pas devenir, là, comme si j'obéissais à un instructeur de cadet, là. Oui, ben c'est sûr que là, tantôt en parlant d'anthropomorphisation, ce qui est émergé en moi, ça a été mon rapport parce que j'ai eu un père qui était autoritaire. Ah, moi aussi. Donc, on est tous les deux à avoir eu cette figure-là parentale et pour des raisons d'intériorisation, parce que souvent l'image du père dans l'enfance, aussi de la mère là, d'ailleurs là, c'est des portraits parentaux, là, fondamentaux, qui vont être déterminants par la suite dans le rapport qu'on va avoir à l'égard des autres êtres humains. Mais si on extrapole, ça peut être aussi quelque chose qui peut colorer également le rapport qu'on peut avoir avec des entités dans l'invisible ou ces intelligences, là, comme tu les appelles, là. Oui, ben à ce moment-là, c'est là que le contact va se faire à travers un conditionnement, comme je disais, là, qui est lié au vécu. Mais une fois que ça, là, on le voit, ça va moins être porté à s'activer, là. Et puis, on finit par se rendre compte qu'il y a des choses que c'est autorégulé par rapport au vécu, comme le conditionnement. Et plus on le voit, plus ça devient facile de l'activer ou pas, ou de le mettre de côté. Oui, fait que c'est sûr que là, de faire la distinction entre ce qui pourrait être une projection chez moi, parce que j'avais un père qui était très exigeant, très autoritaire, puis que ça serait facile pour moi d'avoir intériorisé ça quand que j'étais jeune, donc faire sien cette figure parentale, puis la projeter sur mon double, entre guillemets, versus comment que, entre guillemets, mon double ou ces entités-là se comportent. Donc faire la distinction entre les deux, départager. C'est sûr que ça demande quand même une très grande objectivité mentale, là, Oui, ben ça vient avec le discernement, mais le discernement, c'est aussi un peu se méfier justement de ce qu'on pourrait appeler là, notre subjectivité. Puis ça devient complexe parce que c'est est-ce qu'il y a une différence entre une entité puis une entitisation? Je pense que oui, malgré que l'ego humain lui-même a quelque chose d'une entitisation, mais à l'envers, et là, ça devient des choses très, très là, subtiles. C'est pour ça que, justement, là, de tomber dans des choses comme ça, ben, d'arriver à des choses comme ça peut devenir mêlant. Mais à mes yeux, là, ce qu'on appelle le double, c'est une projection, ben, au sens là, que c'est une entitisation qui est nécessaire pour servir d'intermédiaire. Mais il reste que c'est transitoire possiblement. Bon, moi, en tout cas, c'est parce qu'à un moment donné, là, justement, j'ai des programmes liés à l'idée d'humilité qui s'activent, puis j'ose pas toujours le dire, mais je vais le dire, là, de toute Vas-y, façon, je lâche-toi. l'ai dit. À mes yeux, le double, rendu à un moment donné, il devient inutile, puis même il va devenir quelque chose de nuisible, justement, pour que l'ego se rende compte qu'il est devenu inutile. Et c'est là où je dis que c'est sortir de la polarité, que ce qu'on considère comme négatif, au fond, fait partie de ce qu'on pourrait voir comme un positif global, là, évolutif. Donc, c'est pas de subir là, ce qu'on pourrait dire à un moment donné, un double, là, ce qu'on appelle le double, qui devient trop autoritaire, puis qui outrepasse ses droits, puis qui nous met dans la merde, ça peut aider à faire réaliser à l'ego que justement cette forme-là intermédiaire a fini son travail, parce que c'est à l'ego là, de faire le travail de défaire ça. Il va y avoir là, une entitisation là, au début qui est peut-être un peu inconsciente de la part de l'ego, mais tout ce qui est de briser les formes, ça, il va falloir que ça soit fait consciemment. Et puis, il y a comme quelque chose là, qui a rapport à un mouvement qui vient d'en haut qui va faire que la forme va montrer son inutilité, puis à ce moment-là, c'est à l'ego là en fusion de devenir actif là. Tout ce qu'il a construit d'une façon passive, il doit ensuite le défaire d'une façon active pour. C'est comme si le passif puis l'actif fusionnaient pour arriver au créatif là, mais c'est pas au sens là comme un artiste ou un architecte là. C'est du créatif au sens où l'ego devient là il devient actif à un point où il devient le constructeur là, de son rapport avec l'intelligence, parce que justement, de l'autre bord, ben, l'intelligence, elle tombe en fusion avec l'ego, et puis c'est là que ça devient subtil, là. Puis même là j'étais parti, des fois, je vois très clairement là, ce que je veux dire, et là, plus tout d'un coup, ça disparaît, là. Mais il reste que je suis content là, que ça ait été enregistré là, les quelques secondes que je viens de parler. Oui, ben c'est intéressant. C'est sûr qu'à ce moment-là, l'ego devient quelque part un co-créateur avec ses Ah, mais... intelligences. Oui, ben, même un co-créateur, c'est comme ce serait un amphibie entre une créature puis un créateur. C'est ça, un co-créateur. Ça peut être une forme transitoire, probablement, mais Il devient créateur. un jour, l'être humain devra être un créateur, Bon. là, d'une façon totale, là. OK. Puis, à ce moment-là, ça revient au concept qu'au lieu de subir des programmations, il devient le programmateur. Oui, tout à fait, parce que, comme par exemple, possiblement qu'il y a des intelligences qui se promènent, qui ont déjà connu ces processus-là, et ben ou quelque chose de semblable, et ces intelligences-là, et ils ont, si on pourrait dire, ils ont intégré ce que nous on appelle l'âme, et quand l'être humain qui est encore un peu une créature tombe en contact, si on peut dire, avec ces êtres-là, il y a un danger parce que des êtres qui ont intégré l'âme dans l'esprit, il va immédiatement avoir un rapport de dominé là par l'être humain, il va être dominé immédiatement, et puis ça, c'est dangereux au sens où on n'est pas maître là de puis c'est un peu comme si je construis un pont, je vais pas tenir compte nécessairement là de détruire s'il y a des fourmilières là sur la berge, je vais pas en tenir compte et il y a peut-être là des rapports semblables à ça et puis c'est surtout de pas être l'être humain ne sera va être de moins en moins dominable là au sens où c'est ça être son propre programmateur, c'est que au lieu d'être dominé par des programmes ou de l'intelligence dans des programmes, ben qu'il va entrer dans son intelligence là, puis devenir un programmateur et dominer son environnement par justement l'intégration là de tout ce qui est programme là, c'est-à-dire que là à ce moment-là, il dépasse le plan mental puis il atterrit dans le systémique, c'est même plus un être cosmique, ça va être un être macrocosmique, mais là même là l'être humain, c'est tellement loin, là. Moi, je pense pas que c'est à se demander, même si l'être humain va arriver à ça. Ça, je le sais pas. Puis même là, même spéculer là-dessus, là, je trouve que c'est avancer un peu trop loin, là. Ce n'est pas utile. Mais en même temps, c'est intéressant de voir la perspective à long terme de l'impact du processus de la fusion. Oui, parce que c'est comme les débuts, là. C'est vraiment au début. Puis de quelque chose que on essaie de voir là, ce qu'il va avoir au-delà, mais on n'a pas le choix de commencer par le début. C'est pour ça que c'est intéressant là, d'en parler de la fusion. Mais c'est surtout là que, en tout cas, des fois, là, ça va. On finit que, surtout là, quand je tombe dans certains états, là, il y a des choses qui c'est tellement subtil, puis. Une fois que je reviens à mon état normal, je me souviens absolument de rien. Là, j'arrive pas à mon ego est pas capable de gérer de l'information de ce type-là. Donc, autrement dit, c'est sûr que c'est de l'information, en fait, que l'ego peut pas réfléchir puis comprendre intellectuellement parce que c'est de l'information multidimensionnelle, là. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est normal que ça bloque. Mais par contre, pour en revenir au concept de programmeur, parce que je le trouve quand même intéressant, est-ce que dans le rapport de l'individu avec la pensée, parce que bon, il y a Bernard de Montréal, qui a enseigné que la pensée vient d'ailleurs. Donc, l'individu reçoit des pensées qui proviennent d'intelligence. Et l'individu qui devient programmeur, est-ce qu'il reçoit toujours des pensées ou il a le pouvoir d'émettre des pensées qui vont donner place à des programmations? Ben, pour le dire le plus simplement possible, il s'achemine lui-même dans le monde de la pensée. Puis là, par rapport au programme, ben là, c'est là possiblement qu'il entre à un point de créativité que c'est difficile à décrire. Là, c'est encore s'avancer. Je pense que le début, là, commencer par le début, c'est que au niveau d'être son propre programmateur, là, mettre ça le plus simple possible. C'est premièrement, il y a beaucoup, je pense, de maladies qui sont psychosomatiques, là, juste le fait d'intégrer ça, puis d'avoir un moral qui fait qu'on est moins, d'entrer dans un contrôle au moins, plus, du corps physique, là, puis, être son propre programmateur dans le sens qu'au début, là, commencer par le début, c'est au moins, comment je pourrais dire ça, des fois on a des réflexes inconscients qui aboutissent à des erreurs, et puis donc l'être humain, si dans une optique évolutionnaire, ben, il va devenir de plus en plus précis, il va devenir de plus en plus, il commettra moins d'erreurs, puis il se perfectionne, là, c'est surtout ça. Oui, mais pour en ramener à du concret, parce que c'est quand même assez abstrait là ce qu'on parle depuis tantôt. Si, par exemple, ça me dit intérieurement d'aller m'entraîner au gym, ou j'ai l'impulsion interne d'y aller, si je deviens le programmateur, ça veut dire que j'aurais plus l'impression que ça vient d'extérieur, puis à quelque part c'est moi-même qui m'achemine ça. Mais en même temps, il faut pas que je me raconte des histoires, parce que si j'ai une impression que c'est plus pertinent d'aller m'entraîner que pas m'entraîner. À quelque part, il y a une direction, mais est-ce que moi, je peux me donner, ben, c'est sûr que je peux prendre la décision en tant qu'ego de m'entraîner ou non, mais être à Ah non, l'origine de pensées qui me viennent en tête. à ce moment-là, là, ce que je dirais, là, c'est que de voir en temps réel ce qu'il y a de plus logique à faire sans avoir à y réfléchir. Il n'y a pas de décision à prendre. L'ego voit en temps réel ce qu'il y a de plus logique à faire sans avoir à y penser. C'est tout simplement qu'il le voit. Là, c'est le temps de faire ça parce que c'est ça. Et puis, il n'y a même plus là, de. Et puis, il n'y a plus non plus là, de. D'impression de. Il n'y a même plus de décision à prendre, là, rendu à un niveau comme ça. L'être humain va de plus en plus faire ce qu'il y a de plus logique à faire en temps réel, quand c'est le temps, là, d'une façon parfaitement ajustée, tout simplement parce qu'il va le voir en temps réel. Donc, quand tu parles de logique, c'est d'agir en harmonie avec l'énergie, c'est pas intellectuel, là. Ben, si on n'a pas à le penser tout simplement parce que c'est constaté tout de suite en temps réel que ce qu'il y a de plus logique à faire, il n'y a plus de décision à prendre parce qu'on le voit, on voit ce qu'il faut faire. Donc, on fait juste exécuter quelque chose, mais le Oui. point, c'est que j'ai l'impression que cette chose-là, exécutée, ça vient de l'extérieur de moi. Donc, à quelque part, on m'insuffle une pensée. C'est ça le. Je sais pas si je le décris adéquatement, là, mais moi, j'ai Oh, oui, je. l'impression souvent d'être téléguidé par certaines forces pour faire certaines actions plutôt que d'autres. Puis ça, c'est sûr que ça m'agace. Mais en même temps, tu sais, je peux. Tu sais, comment dire. Je ne me sens pas capable d'initier un mouvement dans le sens de. Ben, des fois, oui, on va dire, ben, je vais aller m'entraîner, mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'on ressent qu'il y a comme une énergie qui veut nous amener plus à faire quelque chose. Que d'autres choses, là. Ça, c'est à mes yeux, là, c'est parce qu'on est encore prêt avec des programmes qui se OK. comptent, t'sais, puis des programmes, des contre-programmes, puis ça crée des conflits, puis ça crée des impressions, parce que on manque énormément de présence. C'est comme si on s'habitait pas, là, comme si on était intelligent, mais qu'on n'était pas dans notre intelligence. Donc, on a l'impression que ça vient de l'extérieur. Et puis même que des fois, c'est contradictoire, mais c'est lié possiblement, là, à ce qu'on pourrait voir comme tout ce qui est lié à l'émotivité, l'animalité, puis à ce qui n'est pas encore conscient par rapport à ces mouvements-là. Mais vraiment, là, c'est parce que l'être humain est intelligent, mais qu'il ne s'habite pas. Peut-être pas encore, ou parce que moi aussi, là, j'ai des choses comme ça, là, souvent. C'est là que, mais avec le développement, là, parce que c'est sûr que s'il y a une montée en fréquence, il va y avoir un discernement qui fait que, ben, il n'y aura plus, là, de questionnement ou de conflit intérieur par rapport à une prise de décision, là. L'être humain, s'il sait, là, s'il sait, il n'a plus de décision à prendre. Il sait, il va savoir ce qu'il faut faire. Et puis, ça vient plus de. Il n'y a plus une projection comme quoi que ça vient de l'intérieur parce que il est dans son intelligence. C'est difficile à décrire. Même si j'ai justement des conflits comme ça par rapport à des décisions, il reste que ce qui va au-delà de ça. Puis. Puisque ce qui s'amplifie là de plus en plus avec les années, il reste que je le vois quand même un peu là. Mais on est bon, je comprends là ce que tu veux dire, mais il reste que à un moment donné, la décision c'est lié tout le temps lié au mental réflexif et puis d'une certaine façon, si l'être humain savait si l'être humain était vraiment dans son intelligence et il sait, il n'y a plus rien qui vient de l'extérieur, il fait tout le temps ce qui est plus logique au moment où c'est le temps de le faire parce qu'il voit en temps réel ce qu'il a à faire. Et comme il le voit, il n'a pas à le réfléchir, il n'a pas à le penser, c'est là, puis c'est comme ça, et puis Non, c'est non, je tout. comprends que c'est un savoir de nature instantanée. Oui. Par contre, c'est sûr que je comprends que je m'enlise un peu parce que je cherche à intellectualiser cette compréhension-là du savoir instantané plutôt que tout simplement d'exécuter. Mais c'est parce que, à quelque part, je vibre encore à la peur de me retrouver dans une situation d'une forme d'aliénation en suivant aveuglément ce savoir instantané. Ben, c'est sûr, parce que c'est pas humain, ça. C'est inhumain. C'est un peu comme perdre une partie de son humanité, puis on a l'impression de devenir quelque chose de froid, là, puis de machinal. Mais rendu là, plus ça va aller, parce qu'on dirait que plus on tourne le dos à ça, plus on se met dans le trouble. Parce que souvent, on va faire une erreur, mais on savait que c'était une erreur, et pourtant, on a quand même pris la mauvaise décision. Donc, à force d'être dans le trouble puis d'en souffrir, ben, l'être humain, il va délaisser cette humanité-là qui est juste, que moi, à mes yeux, là, le terme être humain, c'est quasiment devenu, là, synonyme de, c'est un animal social, là. Puis c'est quelque chose qui est lié à de l'émotivité, puis à des pulsions, puis à des impulsions. Mais c'est certain qu'il y a de la peur. On a peur de laisser de côté ces aspects-là pour entrer justement dans autre chose. Mais c'est juste de comprendre que c'est pas nécessaire. On sait de l'inhumain parce qu'on est encore dans l'humanité où on est. Mais au-delà de ça, c'est simplement une autre forme d'humanité. Puis d'avoir de moins en moins peur. Mais c'est tellement froid, c'est tellement. C'est inquiétant, là. L'intelligence, c'est inquiétant parce que c'est en dehors de l'âme. Et puis l'âme, elle veut tout le temps se rassurer, elle veut rationaliser. Et puis, mais il reste que nous n'aurons pas le choix, là. L'être humain, là, ben, peut-être pas de notre vivant, là, mais l'être humain n'aura pas le choix d'abandonner tout ça pour survivre. Parce que c'est justement ces côtés-là de peur de faire ce qu'il y a d'intelligent au moment où c'est le temps de le faire qui fait que l'être humain, il détruit la nature, il prend des décisions qui n'ont aucun sens, il se met en danger de guerre tout le temps. Heureusement qu'au-delà de nous, il y a de l'intelligence qui, par rapport à garantir un mouvement, par rapport à des lois, heureusement que l'être humain est souvent stoppé, ce qui fait que il est souvent sur le bord de s'autodétruire, mais ça n'arrive pas. Mais quand même, à force de souffrir, puis à force de se mettre dans le pétrin tout le temps, et puis on va falloir, là, abandonner ces aspects-là. Oui, donc autrement dit, ce que tu me dis, c'est à quelque part la souffrance vécue qui amène l'individu à changer son comportement psychologique pour aller au-delà de la peur, aller au-delà du conditionnement pour vivre davantage en fonction de l'intelligence qui provient de ces plans-là. Oui, puis un des problèmes avec ça, c'est comme on a encore beaucoup d'émotivité, il y a quelque chose d'une animalité, c'est que l'intelligence à ce point-là, là, c'est inquiétant, c'est difficile à décrire, mais c'est quelque chose qui est inquiétant, ça fait, moi aussi, là, j'ai de la peur par rapport à ça. Puis j'ai comme si j'avais peur de perdre mon âme et de devenir une machine. Mais pourtant, Ouais. De devenir un robot un peu comme Terminator qui exécute des commandes. oui, mais pourtant, Terminator, il est pas intelligent, il est pas, c'est une machine programmée. Donc, mais nous, on projette l'idée de quelque chose de machinal. Ben, on a tellement été, l'âme est vue comme quelque chose là d'extrêmement précieux et puis mais rendu à un certain point, j'en viens à le dire que l'âme c'est un paquet de troupes, il va falloir reprendre les forces qu'il y a là-dedans puis réintégrer ça pour entrer dans l'esprit. Mais moi aussi ça me fait peur, c'est extrêmement inquiétant, puis j'ai des fois juste de devenir de tout le temps, là, par rapport, là, à ce qu'on pourrait dire, là, un savoir instantané, puis que le comportement devient machinal, c'est aussi de laisser de côté la personnalité. Puis la personnalité, c'est quelque chose auquel on est attaché émotivement. Dans le fond, c'est une question d'attachement émotif à des formes. Puis Oui. c'est certain que c'est comme on a peur là puis aussi une crainte, on dirait, de perdre la raison, alors que dans le fond, ce serait d'entrer dans la raison là totale pourtant. Mais de se détacher de sa personnalité, c'est un petit peu comme se détacher de livres. C'est sûr que si du jour au lendemain, je te demandais de te partager de toute ta bibliothèque avec tous les livres que tu possèdes pour te libérer de ces formes-là, pour vivre dans un vide, ça serait de voir à quel point tu serais à l'aise avec cette idée-là. Mes livres, je vois un côté pragmatique parce qu'ils me servent encore de référence. J'ai pas de mémoire parfaite, puis des fois, je vais accomplir une tâche, puis j'ai quand même, c'est surtout des livres techniques, là. Mais si quelqu'un, là, veut me les acheter, là, il est bien beau. Ben, c'est en autant, là, que j'aille le prix pour, là. Mais là, ça devient une question de Non, pragmatisme, non, ben là. en fait, je disais pas ça nécessairement au sens littéral, là, mais dans le sens que si on fait une comparaison, parce que notre âme a tendance à accumuler des mémoires. Ben, je commence à être tanné là, de mes livres. C'est pas une farce. J'en ai qui sont rares, puis je pense là à les mettre sur eBay pour m'en faire un peu d'argent, parce que tu sais, je comprends ce que tu dis. J'ai commencé par me débarrasser de la télévision. Ensuite, j'ai cessé d'écouter de la musique. J'ai cessé d'écouter la radio. Puis là, peut-être que je vais me rendre à m'en débarrasser de mes livres, parce que au fond, là, d'un point de vue là, pratique puis pragmatique, je serais aussi bien de les vendre et de garder cet argent-là pour garantir là, ma sécurité au sens de, tu sais, de vivre confortablement d'une façon pratique, de me nourrir encore mieux et d'être, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est Ben, ça, consacrer cette énergie-là pour ton bien-être concret là, dans la matière. c'est ça parce que il y a beaucoup de ces livres-là que, dans le fond, c'est un divertissement. Ça revient au même que d'écouter la télévision, mais il y a des bonnes chances là qu'un jour, je m'en débarrasse parce que je suis tanné quand je déménage, là, 30 boîtes de livres, là, ça devient compliqué, là, puis là, il faut, en plus, faut entretenir ça, faut nettoyer ça, faut, bon, puis je deviens tanné. Puis ça se peut à un moment donné que. Mais là, encore là, il y a une peur. J'ai peur de devenir quasiment là. Tu sais, un peu comme l'image qu'il y a dans la culture populaire, là, des petits gris là, qui sont tout habillés pareil, puis qui vivent dans des pièces aseptisées. Puis il y a une peur là, de devenir comme ça aussi. Oui, ben c'est sûr que tu te ramasseras peut-être pas nécessairement dans une maison préfabriquée, là, dans un quartier avec toute la même maison similaire, le même modèle, avec la même entrée d'auto. Puis, mais le point, en fait, je voulais pas nécessairement te dire en passant là, de te dépouiller littéralement de tes livres. Ah oh non, je comprends, mais j'y pense. OK. C'est parce que c'est un addon comme ça, mais il y a beaucoup de choses là que ça me demande tellement de temps d'entretien. Et puis, mais il reste que c'est aussi avoir la sagesse de se garder des petits plaisirs. Donc ça, vu que ça en fait partie, puis que ça nuit pas, ben, mais il reste que ça se peut un jour que c'est même probable, ça va arriver là. À un moment donné, je le sais ça, on n'a plus besoin de livres, puis on n'a plus besoin de. Même j'ai même arrêté d'écouter de la musique carrément. Puis jamais j'aurais pensé que j'en viendrais à ça. Il y a même 2 ans, là, j'aurais jamais pensé ça. Pourtant, je me suis débarrassé. Dans mon quotidien, il n'y a plus de musique, je n'en écoute plus. C'est devenu quelque chose que je considérais comme nuisible parce que quand j'essayais justement d'entrer en contact, quand je me couche le soir, là, que je tombe dans des états différents, puis que j'essayais d'entrer en contact avec de l'information, j'entendais de la musique que j'avais écoutée pendant la journée, et puis c'est devenu quelque chose que je trouvais déplaisant. Parce que c'est comme avoir une chanson dans la tête, là. Ben, pendant la journée, j'écoutais de la musique et puis ça s'enregistrait comme. Et puis quand j'essayais de me vider le mental, puis de sortir de l'ego, Ben là, j'étais ramené par comme de la mémoire qui s'activait de musique que j'avais écoutée pendant la journée. Donc, j'ai progressivement cessé complètement d'en écouter. Mais c'est Non, pareil pour ouais. les livres. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que dans le domaine de la musique, on a ce qu'on appelle des verres d'oreille. C'est-à-dire, ça nous rentre dans la tête, là, puis c'est une forme de conditionnement, là. Donc, il y a certains refrains de chansons populaires. Je pense entre autres à celle qui dit « Lavez, lavez, savez-vous savonner, lavez, lavez. » Ben là, c'est plus un verre d'oreille, ça, c'est quasiment de la possession. Je voulais mettre une petite touche d'humour. C'est sûr que les gens du Québec vont savoir à quoi que je fais référence ici. C'était été un succès là, de la musique qui a beaucoup joué à la radio. Mais le point, c'est que t'en viens, de ce que je comprends, à vivre une forme de dépouillement par rapport à la musique, puis t'envisages aussi ce dépouillement-là à l'égard du livre. Oui, parce que ça revient au même, dans le fond, là, parce que j'ai beaucoup de choses que je vais relire, mais que de relire là, des transcriptions du procès du docteur Petiot dans les années 40, c'est complètement inutile, dans le fond. Puis là, que j'essaie de me concentrer, puis on est porté à la pensée. Bon, on est porté là, à avoir comme plein d'affaires. On pense pas à ce qu'on veut penser nécessairement. Puis là, si j'essaie justement de me mettre dans un état de sortir là, de ces formes-là, puis de ces choses-là, puis tout d'un coup, je me mets à penser au docteur Petiot. Ça me tente pas là, de penser à lui, dans le fond. Mais il reste que je vais possiblement là, garder des livres, toujours des livres par rapport, par exemple, là, aux sciences ou des choses comme ça. Mais il reste que le trois quarts, là, c'est complètement inutile, c'est de la pollution. Oui, ben c'est ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me ramène au fait que moi personnellement, j'ai eu à me départir de livres là il y a quelques années là, du nouvel âge là que j'avais là par rapport à des entités canalisées par rapport à 2012, c'est sûr que là on est rendu en 2017 donc il s'est rien passé là en 2012 d'incroyable au niveau de l'humanité là parce qu'il y avait des livres à saveur prophétique qu'on parlait là quasiment de la fin du monde là puis qu'il allait avoir des cataclysmes puis mais bon. Ben, justement, par rapport à ça, là, c'est arrivé que j'écrive à des gens, là, qui disaient, bon, ben, là, 2018, ça va être la Troisième Guerre mondiale. Puis, à un moment donné, je suis allé écrire, j'ai dit, à chaque année, vous dites que c'est la fin du monde, puis on dirait que vous êtes déçu que ça arrive pas. On dirait que vous le souhaitez que ça arrive, puis que vous êtes déçu que ça arrive pas. Il y a des pulsions de mort là-dedans, au fond. L'être humain, il y en a beaucoup qui sont malheureux, puis il y a Oui. une projection là-dedans, là. Puis les gens, justement, qui sont là, oh, je suis un chercheur de vérité, puis je vous préviens que qu'ils sont là pour nous avertir qu'il va arriver des cataclysmes extraordinaires, ben inconsciemment, quelque part, et on dirait qu'ils sont déçus que ça n'arrive pas, puis d'une année à l'autre, ça recommence. Oui, exactement. J'ai encore des livres à me départir là, de haute spiritualité, mais je vois par petite dose parce que c'est sûr que ça implique là, de vivre une forme de processus de deuil dans le sens que je peux avoir un attachement émotionnel à l'égard là, de certains d'entre eux là, naturellement, là. Oui, ben si on a une valeur là, commerciale, ben au moins de pas ça peut quand même c'est comme prendre l'énergie qui a été investie dans ces livres-là et d'en refaire quelque chose de neutre qui peut être investi dans autre chose. Mais à mes yeux, tout ça fait partie justement là d'une fusion qui s'accentue au sens où on devient beaucoup plus logique là. Parce que c'est certain là que c'est comme des livres que je ne lis plus, mais qui ont une valeur. Ce n'est plus logique de les garder, à moins de les vendre pour m'acheter de l'utile avec. Exactement. Donc, autrement dit, quand on parle de choses utiles, ça peut être de la nourriture, ça peut être des actions à la bourse qui peuvent prendre de la valeur, dépendant quoi, là. Mais c'est sûr que je ne donnerai pas des conseils à la matière, là. Je suis pas conseiller financier. Ouais. Ben, c'est comme tu dis, là, ben, ça fait partie du processus de détachement émotionnel à des formes, tout simplement. Oui, exactement. On va garder ça le plus simple possible. Fait que de ton point de vue, l'intégration du processus de la fusion implique une forme de dépouillement. Ben oui, parce que l'être humain, c'est clair, là, qu'il est pollué. Il est pollué puisque cette pollution-là va se densifier dans de la matière au niveau que on va prendre des décisions qui ne sont pas logiques liées justement à de l'attachement émotif là, à de la pollution. Donc oui, là, c'est plus que du dépouillement, c'est de la dépollution progressive. Et à la base de cette pollution, est-ce que c'est les intelligences qui ont créé ce plan, qui ont orchestré, l'émergence de cette pollution? Ben, ça fait partie de forces retardataires qui protègent l'ego, qui protège la personnalité, qui est le germe là, de ce qui va venir après. Mais tout ce qui est mémoriel, tout ça a une fonction, même si on a beaucoup parlé de des forces anti-hommes, de forces retardataires, ça fait partie de la gestion progressive de ça. Et puis, il fallait que, pour qu'il y ait la personne, il fallait qu'il y ait un germe, donc la personnalité. Pour qu'il y ait la fusion, il fallait qu'il y ait un germe d'individualité, puis qui va finir par aller vers l'individuation. Et puis, au fond, quand on sort de la polarité, puis qu'on le regarde comme ça, on se rend compte que on finit là qu'on sort de l'idée qu'il y a des choses bonnes, il y a des choses mauvaises, il y a des gens là qui ont besoin de leur pollution pour fonctionner, parce que au niveau là, des structures de leur ego, de leur personnalité, si on enlève la pollution, c'est comme mettre trop d'eau à une graine, puis finalement elle pourrit. Donc, c'est lié là, à de la gestion, et puis on dit que c'est retardateur, mais au fond, c'est pour protéger là, le germe là, qui n'est pas encore. Ben, je pense que tu comprends là, ce que je veux dire, là. Oui, c'est ça, c'est de ne pas enlever nécessairement les béquilles célestes d'une manière prématurée à des individus qui ne pourraient pas tolérer le vide cosmique. Oui, parce que là, c'est là que il y a des gens là qui vont tomber dans. Ça peut aboutir là que pour à cause de choc, il va y avoir un mouvement qui fait que ils vont se surprotéger avec du mémoriel. Et puis là, c'est là que c'est dangereux là, mais il reste que ce qu'on qualifie de dangereux est lié à des lois tout simplement. Puis comme au niveau là de la façon dont c'est fait. Que c'est pas humain comme nous on le perçoit, ben là, on va catégoriser ça comme du retardateur, le mal. Mais au fond, là, tout est logique, tout est parfaitement fait. À un moment donné, je me dis, bon, ben, je viens que je n'ai plus, là, ça enlève aussi, là, ça enlève une partie de la colère, ça enlève une partie de la haine qu'on peut avoir contre. Certaines choses, et puis on finit que on voit pourquoi c'est comme ça, et puis on voit que peut-être ça pourrait pas être autrement, puis on s'enlève aussi un peu de la peur. Oui, dans le sens que ça amène, si je te suis bien, une forme de détachement, là. Oui, puis ça fait partie là de justement là de se dépolluer là. Pour se dépolluer, faut se détacher de plus en plus. Puis, s'il y a des gens, là, que c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, j'ai parlé de respecter, là, les gens qui ont des croyances. Et c'est certain que si quelqu'un, à cause de ses croyances, il va venir vouloir m'imposer quelque chose, là, c'est là que. Non, là, je me laisserai pas dominer, mais c'est de pas dominer, ni se laisser dominer. Puis, de gérer ça là, avec du discernement. Parce que d'un autre côté, ces forces-là retardateurs, on dirait que c'est géré c'est autorégulé au sens où c'est pas aussi. C'est pas, ça fait partie de l'intelligence, mais en tout cas, c'est bien subtil. C'est difficile là, de départir ça, mais ça vient là, avec le discernement. Puis. Moi, j'ai pas encore un discernement parfait, là. Oui, mais dans le sens que ton intelligence est encore en processus de construction. Oui, mais avec le temps, là, j'ai appris à pas me choquer quand les gens viennent me parler. Je vais en parler là en tant qu'individualité, comme sur Internet, là, comme pour Fatima, des choses comme ça. Mais si quelqu'un là dans mon entourage qui croit à ces choses-là se met à en parler, eh bien je me tais là puis j'observe. Je vais pas faire de confrontation là, parce que si je me mets à parler de ces choses-là au sens de comment je les perçois sur YouTube, par exemple, ben là, c'est pas pareil parce que je m'adresse à des gens qui comprennent ce que je veux dire parce que ça peut les aider à se situer encore plus clairement là-dedans. Mais les gens là, qui ont des certaines croyances, là, puis je n'entre plus là, en conflit. Dans ma vie sociale, là, par rapport à tout ce qui est la politique, la religion, la philosophie ou peu importe, je n'entre plus du tout en conflit, jamais. J'écoute les gens et j'observe à mes yeux, c'est d'observer les mécanismes de comment ces choses-là fonctionnent pour justement moi-même comprendre mon propre conditionnement, ma propre pollution. Puis c'est là que c'est bien beau là d'apprendre de ses erreurs, mais si par une observation active en plus on peut apprendre des erreurs des autres, eh bien même ce qu'on qualifie comme du retardataire ou le mal ou fait partie du processus là d'évolution. Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr que dans l'esprit de ta démarche, c'est-à-dire de pas faire ingérence dans la réalité des gens de ton entourage pour leur parler de conscience ou de choses qu'ils n'auraient pas nécessairement la capacité d'absorber. Moi aussi, je suis plus en retrait, puis je me permets d'intervenir si seulement la personne cherche à m'imposer des choses là, naturellement, là. Oui, c'est ça, c'est de ne pas se laisser dominer, mais de ne pas dominer non plus. Exactement. Puis si quelqu'un de mon entourage tombe sur une de mes vidéos, puis qui vient se choquer, là, puis qui vient me donner, qui vient là, réellement là, d'une façon en colère, là, ben, je vais tout simplement lui dire, oui, mais ça ne s'adresse pas à toi. Ça s'adresse à ceux qui comprennent ce que je dis ou qui vont vers une compréhension de ce que je dis. Puis donc, le but, c'était pas de te blesser en tant que personne, là. Je sais pas pour te. Puis d'essayer, en même temps, ça peut servir, là, de montrer à la personne que elle s'emporte pour rien, là. Ce que je dis, là, j'ai le droit de le dire, là, au niveau, là, d'une liberté d'expression, tant que je nomme pas des gens spécifiquement, puis que je fais pas d'attaque personnelle, là, vraiment centré sur des gens là en particulier. Et puis c'est là qu'il y a un discernement avec le temps qui se fait pour éviter des conflits qui sont inutiles parce que sinon le conflit va créer là de la fréquence et puis le discernement va être assimilé de force par d'une expérience pénible et ça me tente plus là de comprendre comme ça. Oui, c'est-à-dire de manière expérimentale, là, avec de l'essai, puis de l'erreur, puis du vécu de choses désagréables, là. C'est ça, c'est de sortir. C'est ça, là, comme il avait été dit, là, que l'être humain expérimental allait sortir, là, de son expérimentation au niveau de justement, là, arrêter de souffrir, pour comprendre, là. On est aussi bien de prendre que de comprendre en souffrant. Oui, exactement. Sinon, j'étais curieux de t'entendre à savoir si toi, tu faisais une distinction entre le processus de la fusion et l'état de possession. Ben, l'état de possession, c'est toujours lié à de la. C'est lié justement à ce qu'on peut dire là, souvent, là, plus souvent qu'autrement, de la mémoire. Et puis, ça va au contraire, là. C'est comme si l'ego était habité par des forces dont, justement, là, il n'a pas le contrôle. C'est surtout ça, là. Ça enlève de la présence, là, tout ce qui est de la possession. Puis même, là. Pour que les gens comprennent bien, là, de la possession, ça peut être une dépendance au jeu, par exemple, ou à l'alcool, ou justement, là, d'être extrêmement attaché émotivement à des formes. C'est de la possession par des formes dans le mental. Puis ces choses-là, ça draine ce qu'on pourrait appeler ça draine de la conscience, dans le fond, là. C'est des formes qui drainent de la conscience. C'est ça, de la possession. Puis, la fusion, au contraire, les formes sont brisées, puis l'énergie est réappropriée, réacheminée vers la conscience qui va en grandissant. Et puis, c'est là que ce qui est individualisé va s'individuer, ce qui est un peu, C'est-à-dire que la personne, on peut être intelligent, mais ne pas être dans son intelligence. J'en ai connu des gens là, qui avaient été longtemps à l'université, qui étaient des grands intellectuels, et puis pourtant qu'ils étaient violents là, avec leur conjointe ou qu'ils avaient un problème d'alcool. Ce sont des gens intelligents, mais ils n'agissent pas intelligemment. Donc ça aussi, ça fait partie là, de ce qu'on pourrait appeler de la possession. Mais c'est là, se servir là, des formes au lieu de, tant qu'à avoir des formes dans son mental, aussi bien être maître de comment c'est géré, puis de ce qui se passe, puis de savoir si, que, en tout cas, moi, de la possession, là, à mes yeux, ça peut être énormément de choses, là. Ça peut autant être des croyances qui enlèvent de l'objectivité à cause d'un attachement émotif à des formes qui habitent l'intérieur de la personne, que ça peut être une dépendance à peu importe quoi, là. Dès Mais que. est-ce que ça peut être aussi des êtres décédés? Oui, c'est. Ah, ben oui, c'est des mémoires enregistrées. Ah, oui, certainement. Puis c'est lié justement à des fréquences, là. C'est. Parce que même si ces plans-là, ça ressemble beaucoup à. C'est surprenant là, comment ça ressemble au plan matériel, mais c'est parce que c'est à cause du rapport là, à la forme. Mais oui, là, certainement. Ben, de toute façon, de la religion, comme quelqu'un d'extrêmement religieux là, qui se met à lire, je ne sais pas moi, les livres d'un moine là, du 16e siècle, puis que ça devient que ça. Ça vient tout colorer sa vie, puis que toutes les décisions dans sa vie sont prises par rapport à ces choses-là, ces formes-là qu'il a assimilées. À mes yeux, c'est de la possession par de la mort, c'est de la possession par du passé, par. Donc, oui, puis il reste Okay. que même ça m'était. J'ai fait à un moment donné une vidéo là, par rapport aux morts, là, où je parlais des morts, puis. Par après, j'ai fait un rêve où j'ai une de mes tantes qui ne m'aimait pas. Ben, elle n'aimait pas grand monde, cette dame-là. Et puis, dans le rêve, là, elle me faisait là, un sermon agressif extraordinaire. Elle disait, je le savais que tu me manquerais de respect. Et puis, c'en est ça de la pollution par des morts. Mais c'est des mémoires enregistrées là, qui sont en attente là, d'être. Bon, tout. C'est difficile à expliquer, mais les plans Mais de la mort. ils sont en attente d'être réincarnés? Oui, ben on dirait que les plans de la mort, c'est comme une salle d'archives ou un entrepôt. Donc, si c'est là, c'est parce que ces choses-là vont resservir là. Sinon, ça serait pas entreposé ou on n'archive pas des choses pour rien. Donc, oui, là, mais justement, là. L'être humain, là, les égos en fusion par ce qu'ils disent, par des choses qui vont être écrites, par des choses qui vont être dites, ça va créer, si on peut dire, là, des chocs, là, autant sur le plan mental, au sens d'engendrer le mouvement dont je parlais tout à l'heure, là, que l'énergie, ça crée un mouvement qui fait que ça descend, qu'il y a de l'intelligence qui cherche à s'individualiser, autant que ça va créer des chocs dans ces mondes-là là, de mémoire enregistrée qui va faire que ces mémoires-là vont vouloir, ben, vouloir pas au sens d'une volonté comme on pourrait le concevoir, là, mais que ces énergies-là qui sont en dépôt, là, qui sont en entrepôt, si on peut dire, il va y avoir des chocs que, si, oui, là, pour qu'il y ait quelque chose qui se manifeste sur le plan matériel, il faut qu'il y ait de l'énergie qui vienne de quelque part, parce que l'énergie, ça ne disparaît pas, ça se transfère. Donc, oui, là. Exactement, rien ne se crée, rien ne s'opère, tout se transforme. Pour citer l'oiseau, je me rappelle plus comment il s'appelle. En tout cas, il y a un penseur qui dit ça, là. C'est un principe dans le Oh, domaine de la science, là. J'avoue que je sais pas c'est qui, là, Je ce pense que serait c'est pas. l'oiselier. En tout cas, il y a quelqu'un qui va sans doute le sortir là, par après là, pour donner la référence, là. Mais Moi, on. c'est pas un chimiste français du 18e, là. Ouais, Il me faudrait. semble. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est que tout, y a rien qui se crée, y a rien qui se perd, tout se transforme. Donc, l'énergie, autrement dit, qui se retrouve, entre guillemets, sur le plan astral, il va falloir qu'elle soit également processée par, entre guillemets, le plan mental pour, évoluer avec le temps, là. Oui, parce que le nom que tu dis, j'arrive pas à me souvenir là, au niveau d'une référence, mais il me semble qu'il m'apparaît là sur un écran mental un bonhomme avec une perruque blanche là, de la fin du 18e, là, un Français. D'après moi, ça doit être lui, là. En tout cas, Mais. peu importe. Mais sinon, je me posais comme question, l'individu qui de son vivant vit une fusion, il entame le processus, mais il est partiel. Est-ce que par la suite, il va devoir se réincarner sur le plan physique pour compléter le processus, ou est-ce qu'il peut finaliser dans l'après-incarnation le processus? Ouais, ben, si on regarde là les plans, comment c'est fait, de ce qui est su là, puis même de ce qui est canalisé là jusqu'à maintenant, il n'y a que le plan matériel qui regroupe tous les plans là dans un même espace-temps, au sens que moi je pense pas que la fusion soit possible en dehors du plan matériel, parce que les plans sont c'est sont, il y a comme un, comment je pourrais dire ça, une hiérarchie au sens que c'est divisé. Puis, je pense pas là, que de toute façon, la conscience égoïque n'existe que sur le plan matériel. Là. Ça, c'est mon opinion. Mais n'existe pas en suspension d'activité sur le plan astral. Oui, mais ça, c'est comme de l'archivage, là. Moi, de ce que j'ai puis voir là, de contact avec des morts, là, si on peut dire, là, on dirait qu'ils sont dans un état, ça ressemble beaucoup là, à quelqu'un qui est endormi, qui rêve. Et puis, moi, à mes yeux, il n'y a pas de conscience dans ces plans. Sur ce plan-là, là, ce qu'on appelle le plan de la mort, là, c'est comme d'autres ont dit, là, il n'y a aucune lumière dans ces mondes-là. Je pense pas là qu'un mort puisse évoluer en conscience là. Moi, à mes yeux, ça me semble quelque chose de peut-être, oui, il peut avoir une évolution sur ces plans-là, mais à mes yeux là, ce ne sont plus des égos là au sens où je l'entends. Puis Mais le point, c'est que d'un côté, puis peut-être tu vas pouvoir m'éclairer là-dessus, c'est que j'avais l'impression que le processus de la fusion était irréversible. Donc, autrement dit, quelqu'un qui commence de son vivant à vivre le processus, automatiquement, il peut pas se réincarner sur la Terre d'une manière inconsciente là, par la suite, là. ben, là, c'est là qu'on entre dans des choses que je le sais pas. OK. Je pourrais pas dire, là, mais possiblement qu'il y a le plan matériel est peut-être pas le seul plan, là, où il y a de l'égoïque, ou bien peut-être que le plan matériel existe à d'autres fréquences, là, que c'est très proche, puis peut-être qu'à ce moment-là, il y a une incarnation sur des plans là, que ça ressemble au plan matériel. Mais à ce niveau-là, là, vraiment, là, je le sais pas. Puis j'ai pas non plus de. Ça arrive des fois là, qu'il y a des choses là, qui sont captées. Puis au moment où c'est capté, c'est tellement fort qu'on sait que ça, c'est ça. Mais par rapport à ça, là, j'ai ce qu'on pourrait appeler là, des voiles. Là. À mes yeux, en tout cas dans mon cas, là, tout ça, c'est des choses voilées. Puis là, ça serait entré dans de la spéculation. Non, non, je comprends, c'est correct. J'apprécie ton honnêteté là, par rapport à ça. Mais les gens qui peuvent commencer à vivre un processus de fusion et qui peuvent nous écouter, c'est sûr que l'une des questions qui peut se poser, c'est qu'une fois la fin de la vie dans le corps physique, où qu'ils se retrouvent, est-ce que ils vont sur le plan astral? Est-ce qu'ils vont sur le plan éthérique ou une espèce de plan entre les deux qui n'existe pas, qu'il va falloir qu'ils créent pour ceux qui ont des fusions partielles. Je ne sais pas comment le regarder de cet aspect-là. Ben, une fusion partielle, de la façon, là, quelqu'un qui a une fusion partielle, puis qui Oui. après ça, il est archivé sur les plans de la mort, ben, ça crée des chocs, là, sur ces plans-là, puis ça force justement, je pense que oui, là, il peut y avoir un retour, mais quelqu'un, là, que la fusion, que le cycle est complété, si on peut dire, une fois, là, décédé, n'ira pas vers. Parce que quand les gens là, vivent des expériences de décorporation par rapport à. Ils vont voir un tunnel avec une lumière parce que s'il y a des lois, les mêmes lois qui font que les papillons de nuit puis les insectes vont être attirés par la lumière artificielle, mais quelqu'un là, que le cycle de fusion est complété, il ne va pas vers une lumière là, qui est une projection extérieure à sa conscience. C'est-à-dire que il est déjà une lumière là, quand il sort, et puis à ce moment-là, il est libre là, de se promener là, sous une forme, là, ce qu'on pourrait appeler le corps de gloire. Là. Ça a été ceux-là qui croient aux Nazaréens, là, au Christ, là, comme quoi qu'il serait revenu après le troisième jour. C'est possiblement un phénomène de ce genre-là, là, que c'est de l'éther, c'est-à-dire c'est matériel, mais plus subtil, et puis c'est un véhicule qui peut aller sur n'importe quel plan. Puis, parce que quelqu'un, là, que le cycle serait complété, ne peut pas retourner sur les plans de la mort, là, parce qu'il est détruit, ça les détruirait. Oui, ben son énergie serait trop haute par rapport à eux autres et ce qu'ils sont capables de supporter. Oui, ce serait comme une bombe atomique, là, il serait tout irradié, puis ces plans-là, les mémoires, là, seraient complètement assimilées, là. C'est tellement ces intelligences-là ont quelque chose de tellement passif que c'est clair, là, que ce serait un peu, là, comme envoyer un bâton dynamique dans un marais, là, toutes les barbottes vont sortir. Bon, en tout cas, j'essaie de trouver des images, mais j'en trouve pas, là, mais à mes yeux, Mais non, mais il y en a qui font de la pêche avec de la dynamite, puis tous les poissons, on les voit mourir à la surface de l'eau, là. ouais, ça reviendra au même que les mémoires seraient détruites, puis tout le processus mémoriel d'archivage de l'expérience, là, égoïque, ça deviendrait inutile, là. Ça serait comme, c'est comme les ordinateurs, là, qui avaient un bouton reset, là. Fait que je vois pas, c'est clair, là, que je pense, pourtant il est dit, là, que il aurait été, là, 3 jours, là, aux enfers, donc les plans de la mort. Et puis, mais ça, à mes yeux, ça fait partie du doctrinal, là. Je pense pas que, si il y a eu des gens là qui ont au niveau de leur expérience qui ont complété le cycle là, qui ont été réellement des initiés qui ont été dans leur lumière là puis qui se sont décorporés puis si ils se manifestent pas pendant 3 jours possiblement que c'est parce que ils sont allés sur d'autres plans là mais certainement pas le plan de la mort là à mes yeux c'est impossible. Non, je comprends ce que tu veux dire, parce que quelqu'un d'une très haute fréquence sera pas intéressé à aller dans une zone de basse fréquence, parce que pour lui, ça serait comme de subir une forme de pollution. C'est clair qu'il dépolluerait là, en plus, Ouais. il détruirait ces plans-là. Puis quelqu'un qui a, d'après moi, là, qui a atteint ce niveau de conscience-là, sait que ces plans-là ont une certaine utilité, là, peu importe ce qu'on en dit. Donc, c'est pas besoin d'aller. Je peux comprendre là, que la tabagie ou ce qu'on vend plein de cochonneries inutiles au coin de la rue, je comprends que c'est de la pollution puis qu'elle est inutile, mais je vais pas rentrer par effraction pour mettre le feu, là. J'imagine que c'est semblable, là. Non, c'est ça. L'entité hautement évoluée cherchera pas nécessairement à semer le trouble parmi celles en voie d'évolution en leur expliquant que le Père Noël n'existe pas ou, tu sais, en essayant trop de dévoiler des formes qui vont les sécuriser, là. Oui, puis de toute façon, là, semer le trouble dans ces mondes-là, il y a possibilité de le faire à partir d'ailleurs, là, pas besoin d'aller. Je veux dire, même il y a des gens là qui ont parlé là, en mon sens là, un peu comme Bernard là, que à mes yeux, c'est évident que ça a dû créer des chocs sur ces plans-là. Donc pas besoin d'y aller là, puis de tout détruire. Les ondes, les fréquences vont se rendre là, parce que puis il reste bon ben. Si il y a des êtres là, des hauts plans spirituels qui, à mes yeux, là, viennent de ces plans-là, qui viennent essayer de te confronter en tant que mémoire, là, qui contiennent de la mémoire doctrinale, puis que on leur répond là, dans le dialogue au niveau que, au fond, c'est juste des fréquences, mais au niveau d'un dialogue, des choses comme certains ont dit, ben, ça crée des chocs sur leur plan, là, de toute façon, même pas besoin d'y aller pour créer des chocs. Oui, après tout, la réalité est multidimensionnelle et le plan physique est déjà lié à ces plans-là. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de voyager dans l'après-vie, dans ces plans-là, pour être en contact avec eux, car on est déjà de notre vivant en contact, d'une manière simultanée avec une multitude de plans, là. Ben oui, c'est comme ma tante là, qui me faisait des sermons comme quoi que je le savais que tu me respectais pas. Et puis bon, ben c'est certain que je me suis révolté contre ça. Puis ça en est déjà là, de créer des chocs sur ces plans-là, de faire ça. Juste d'oser répondre puis de dire puis de lui fermer le clapet, là, si on peut dire, là. Juste ça, là. Puis on dirait que c'est voulu, ça. Que tu t'affirmes comme ça pour prendre ta place? Ben, on dirait que des fois, les morts sont tellement stupides qu'ils cherchent le trouble, puis que c'est lié à leur propre évolution. Oui, dans le sens qu'ils vont tester des limites, un peu comme des enfants. Oui. Donc, c'est leur façon de se positionner par rapport au réel. Ils font de l'essai et l'erreur. Donc, ils sont expérimentales parce qu'ils ne sont pas entrés dans le savoir. Et non pas nécessairement fusionner justement avec ces intelligences qu'on parle là, depuis tantôt. Oui, exactement. Puis c'est clair que ça crée des chocs qui font que, un peu comme nous, là, ces mémoires-là peuvent monter en fréquence. Puis à ce niveau-là, bon, ben, ils changent de région sur leur propre plan. Puis même, il y a des gens là, qui peuvent être au niveau là, de ce qu'on. Tu sais, des gens qui ont été harcelés par des morts, là, comme le Britannique Matthew Manning. À un moment donné, ben, comme il l'a écrit, c'était de les faire à force là, de leur répondre puis de leur dire qu'ils n'ont pas d'allure des fois, ben, à un moment donné, tu as la pipe et tu n'achales plus. Pourquoi? Parce que justement, ils ont changé, là. Ça l'a évolué, là. Exactement. Donc, c'est sûr que l'être humain peut renégocier le rapport avec l'invisible, donc les êtres du plan de la mort. Mais je voulais quand même t'amener sur le processus de la fusion, à savoir si l'être humain pouvait négocier son rapport avec les intelligences ou c'est un rapport qui est unilatéral, puis les intelligences descendent à un moment donné, puis l'être humain n'a pas son mot à dire. Ben, le rapport va prendre la forme d'une négociation, mais au-delà de cette perception-là qu'on a, c'est très difficile là, de comprendre ce qui se passe dans le fond parce que c'est comme un échange de fréquences, puis c'est lié à des processus que c'est au-delà là, de la négociation, mais on dirait là, que. Ça aussi, c'est fait pour qu'il y ait une confrontation, mais ça a l'air d'une confrontation. Mais dans le fond, c'est un échange de fréquences. Puis comme on est à ces niveaux-là, on dirait que ça va prendre, là, on dirait, la forme d'une négociation ou d'un conflit. Mais pourtant, non. Puis on pourrait dire quand même, là, sur le plan mental, bon, quelqu'un qui est dans un processus de fusion va créer ce qu'on pourrait appeler là, des chocs sur ce plan-là, mais dans le fond, ça n'a rien à voir, c'est rien qu'il va y avoir un échange qui va accentuer un mouvement là, de descente, mais on peut l'interpréter comme une négociation, puis comme des chocs, mais à mes yeux, ça, c'est une interprétation subjective, là. C'est simplement des rapports là, d'échange de fréquences, mais comme on est des animaux un peu sociaux encore, et puis qu'il y a un peu. On a ce côté-là, là, très grégaire. Bon, on va l'interpréter comme des échanges, comme des conflits, comme des accords, ou comme. Mais au-delà de ça, au-delà de ces formes-là, probablement que c'est très, très différent, là, de la façon dont on l'interprète. Puis, dans le fond, là, quelqu'un qui commence un état de fusion, puis qui se met à le vivre, là, vraiment, là, on dirait que tout simplement, c'est des mouvements qui s'enclenchent. Mais qu'au début, ça va prendre des formes là, qui ressemblent à des rapports sociaux, mais au fond, ça n'en est pas là. au fond, au-delà des formes, et puis probablement que c'est juste un rapport de choc entre différentes fréquences, et puis que c'est très différent. C'est comme les gens qui perçoivent des auras, là, ils voient des couleurs. Probablement que la couleur est une illusion, là, c'est lié à des longueurs d'onde. De toute façon, les couleurs sont des longueurs d'onde. Et puis, c'est nous, là, qui colorons nous colorons notre rapport au réel. Oui. Sinon, pour ce qui est du processus de la fusion, est-ce que toi, de ton point de vue, une fois qu'il est entamé, l'individu peut décider de le compléter de son vivant? Ou c'est autogéré par des forces, puis il n'y a pas vraiment son mot à dire là-dedans. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir mon mot à dire. OK. Donc, Puis. autrement dit, c'est géré par des forces, ce qui fait que au moment que tu sois décédé, ça se peut que tu sois sur le plan éthérique ou peut-être dans un entre-deux-mondes, tout dépendant. C'est pas toi qui vas gérer ça. Solo, sincèrement, je le sais pas. OK. Je le sais. Puis plus. Plus ça avance, là, puis plus, d'une certaine façon, là, vraiment, là, sincèrement, je le sais pas. De toute façon, on peut avoir, là, dépendamment de notre capacité, là, au niveau émotif, on peut avoir de l'information par rapport à. Puis j'ai l'impression que non, quand je vais mourir, là, par rapport à des événements qui sont hors de mon contrôle, ça va arriver d'un coup, puis j'ai l'impression, là, que ça n'aura pas été complété. Je le sais, là, par exemple, là, ça peut avoir l'air prétentieux, là, mais je sais que je n'aurai pas à revenir sur ce qu'on appelle la Terre, là. Puis de toute façon, bien sincèrement, là, ça m'intéresse pas, mais pas nécessairement d'aller retomber dehors, d'aller sur le plan éthérique, des choses comme ça, voire possiblement, là, un retour dans quelque chose comme la matière ou même dans la matière, mais dans un coin qui est moins, qui est plus avancé un peu que la Terre, parce que la Terre, là, moi, je commence à l'avoir de travers, puis pourtant, je suis jeune, là, mais j'étais petit, puis j'avais l'impression d'être dans un monde que j'ai bien de la difficulté, là, c'est bien beau la Terre, là, mais non, Mais d'un autre j'ai côté, pas. ouais, c'est ça, mais d'un autre côté, si tu te réincarnes dans un autre monde planétaire, mais peut-être un peu plus évolué que la Terre, est-ce que tu vas revivre le même phénomène d'amnésie de tes vies antérieures puis de l'avant-incarnation qui va faire en sorte que, à quelque part, ça sera plus toi dans le sens qu'il n'y aura pas de continuité de conscience avec la nouvelle entité qui va être générée? Ben, quand bien même que ça serait plus moi, que ça soit un autre moi, ça va être moi pareil. Donc, ça va être juste un autre moi. Je veux dire, en ce moment, mes d'autres vies, s'il y en a eu, je m'en fous. Donc, si j'ai une autre vie plus tard dans un autre monde, la vie que j'ai en ce moment, je vais m'en foutre. Donc, c'est loin d'être grave, là. Et puis, si c'était un monde peut-être plus évolué, plutôt bon. Je vais peut-être être sur une forme, sous une forme qui est plus haute encore en fréquence. Donc là, pas le choix, là, si on veut recompléter le cycle, là, parce que je pense pas vivre une fusion complète, là, dans cette vie-ci. Ben là, c'est en dehors de. Moi, ça me dérange pas, là, que la personnalité que j'ai en ce moment, puis la mémoire de l'ego, puis tout ça, puis ça me dérange pas, là, comment que ça serait. Quand ça sera devenu inutile, ben. C'est loin d'être grave, là. Je m'en fous de d'autres expériences que j'ai eues avant, là, cette incarnation-ci. Donc, si je suis réincarné autrement plus tard, la vie que j'ai en ce moment, là, je m'en fous complètement, là. Ça n'est pas important. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que dans ta prochaine vie, tu pourrais être autant détaché de tes vies antérieures par rapport à ta vie présente. Ben, c'est ça. Ouais, Puis, OK. c'est aussi là que. Comment je pourrais dire ça? C'est quelque chose là la nécessité puis aussi une certaine. En tout cas, ça devient l'idée là de vouloir préserver à tout prix là la personnalité puis l'ego que j'ai là en ce moment là. Ça devient complètement futile rendu à ce niveau-là. Puis ça enlève aussi là. J'ai un instinct de préservation, là. Je suis quelqu'un qui fait attention à lui, puis qui essaie d'être le plus logique possible, puis, mais rendu à certains niveaux de compréhension, là, je vais en sortir, là, de ça, là. Oui, je comprends, dans le sens que la forme de la psychologie humaine qu'on peut avoir est quand même limitative et à un moment donné, ça doit être transcendé, là. Oui, puis en tout cas, c'est loin de. C'est des choses que je pense jamais à ça. C'est drôle. En ce moment, en tant qu'ego, j'ai un instinct de préservation, mais quand je vais être sorti là, de ces structures-là ou que ça va être transcendé, ben je sais que c'est un peu comme si on sait que ça nous fera rien. Ça, tu sais. Non, ça devient futile. C'est comme si ça devient des questions paradoxales que ça me donne rien de penser à ça. Puis là, c'est là. Puis plus tard, ça va être plus tard. Puis autre chose, ça va être autre chose. J'ai pas envie là de. Non, c'est comme si ça me mettait dans un état que. Tu sais, c'est un peu comme un vieux vêtement, là, quand il est fini, il est fini, là, faut le jeter au vidange, c'est tout. Non, je comprends. Donc, ça nous ramène au principe du détachement de la forme. Oui, mais pas au sens où je suis totalement détaché en ce moment, mais au sens que quand je vais être détaché totalement de ça, je vais en être détaché, ça me donne rien comme de me projeter puis de confronter ça à ce que je vis en ce moment. Donc, je n'y pense jamais. Le seul fait de le savoir fait que, bon, je le sais, ça fait que je n'ai pas à y penser à ça, là, à le réfléchir. Non, je comprends, parce que sans ça, on se casse la tête inutilement, là, de se réfléchir sur le sort qu'on va avoir dans, entre guillemets, l'après-vie. C'est sûr que autrefois, nos ancêtres qui étaient chrétiens ici au Québec pouvaient vivre de l'anxiété à savoir est-ce que je vais aller au paradis, au purgatoire, en enfer, dans les limbes. C'est compliqué, là. Oui, ben c'est ça, ces gens-là n'avaient accès que à ce qu'on pourrait appeler les plans de la mort. Ça a fait des cultures complètement basées sur ça, au niveau là, de l'entretien des mémoires, comme par exemple là, les momies en Égypte. Et les gens, ils créaient des choses symboliques pour justement que ça faire un support qui allait entretenir une forme fréquentielle là, sur les plans de la mort, parce que le pharaon. Il voulait continuer à être pharaon dans l'autre vie parce que c'était lié à son rang social, mais une fois qu'on sait que ces plans-là, là, mémoriels, un jour vont être inutiles et être détruits, moi, j'en ai rien à faire là, de ça. Et puis, même quand je serai mort, là, je pense même pas à des préarrangements funéraires. Mon père disait, vous m'incinérez, puis vous flocherez ça dans les toilettes. Puis, j'ai un peu la même vision là, du comment que je serais garroché un peu comme les Tibétains là, qui se font couper en morceaux puis se font donner aux vautours. Rendu là, il y a une certaine compréhension de leur part qui est beaucoup moins puérile peut-être que les catholiques là, avec des mausolées puis des pierres tombales qui coûtent une fortune. Et puis, c'est qu'on moi, je suis rendu à un point où je trouve ça ridicule, là, c'est futile. Oui, non, je comprends, t'es détaché des rituels religieux, là. Étant donné que le temps passe, je voudrais quand même compléter cet enregistrement. C'est sûr que c'est très intéressant de s'entretenir sur des sujets qui sont à peu près pas discutés, là, dans les médias officiels ou sur la place publique. Donc, c'est pour moi un lieu de ressourcement et d'échange, les communications qu'on a ensemble. Donc, c'est sûr que pour compléter, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Oh, je vois mal là, quoi rajouter. Puis, j'étais tout au long de l'entretien, là, je t'ai suivi où tu allais, là. Donc, je vois pas là, je vois pas quoi rajouter. Ça en fait quand même pas mal de temps. Mais non, l'important là, c'est de pas se troubler avec ça. Puis, il y a réellement là, rien de. Surtout, là, de ne pas se troubler, là, avec des questions comme ça. Il y a des gens là que je vois que ça les trouble beaucoup, ils pensent à ça, et puis pour arriver à en parler comme ça, puis pour arriver aussi à sortir des fois des choses inattendues là, que moi-même je savais pas que j'allais dire ça, c'est par justement que je n'y pense pas. Donc, de ne pas se troubler, de ne pas croire, puis de ne pas s'attacher non plus là, au niveau de des concepts. L'important, là, c'est réellement ce qu'il y a derrière ces choses-là. Et puis ça a un effet, mais il reste que, surtout, c'est ça, d'être détaché, là, puis de pas, sans non plus, là, de devenir inactif là, en écoutant rien d'autre que des choses comme ça, en attendant, là, ça non plus, c'est complètement inutile d'avoir, tu sais, du discernement. Il y a le discernement là, que ça serait. Ça, c'est quand même un mot là, on peut se troubler un petit peu avec, parce que plus on se trouble avec l'idée de discernement, ben, peut-être qu'il y a plus qu'on en acquiert, mais à part ça, non, je vois pas quoi dire d'autre. Et puis, de toute façon, je pourrais là, faire un monologue là, pendant 8-9 heures de temps. Ça fait que c'est aussi bien là, de dire que disons que c'est ça le mot de la fin. OK, mais c'est sûr qu'en effet, c'est très pertinent, là, l'idée de ne pas se troubler avec ça, parce que ta parole amène des éléments qui sortent des formes traditionnelles. Donc, il faut être capable de supporter ça sans, quelque part, être trop déstabilisé psychologiquement, le réfléchir ou l'émotiver, là, bien entendu, là. Ouais. Oui, exactement. Excellent. Donc, c'est sûr, en terminant, je rappelle aux gens que tu as un site, en fait, tu n'as pas un site Internet, là, tu as une chaîne YouTube, mais justement, est-ce que tu avais l'intention éventuellement d'avoir un site web? Oh non, pas du tout. OK. Mon site web, c'est YouTube. Donc, les gens peuvent entrer en communication avec toi, là, sur YouTube, là. Avec Berthold, qui est le nom d'utilisateur. Donc, vous avez juste à taper Berthold sur YouTube. Peut-être taper aussi le mot supramental, là, pour tomber sur toi, là, parce que j'imagine qu'il peut en avoir d'autres aussi, là. Oui, ben s'ils tapent juste Berthold, ils vont peut-être tomber. Moi, des fois, c'est arrivé là que pour aller sur ma chaîne, je tape mon nom et puis j'arrivais sur des dessins animés japonais. Ça fait que. Exactement. Donc, c'est ce qui va compléter l'enregistrement. C'est sûr que je te remercie, bien entendu, pour tout ce temps que tu m'as consacré ce soir, généreusement, là, pour répondre à mes questions. Ah ben merci à toi là, c'est un échange de ce genre-là, je pense que c'était intéressant là, autant pour moi parce que je savais pas là où ça mènerait, mais c'est toujours intéressant, puis c'est moi qui te remercie. Donc, à ce moment-là, c'est un plaisir partagé. Et puis, ça a été l'occasion d'approfondir le processus de la fusion, qui est un des éléments principaux qui est abordé, là, par rapport à la psychologie supramentale. Puis aussi, c'est un phénomène qui est appelé à concerner de plus en plus de gens sur Terre au fil du temps. Donc, je pensais que ça pouvait être justement pertinent d'en parler là ce soir là. Donc, ben, merci beaucoup et puis au revoir. Au revoir, à bientôt.